Bonjour, c'est Flore Bernard. Le podcast que vous allez écouter est sponsorisé par Big Flo. Big Flo, c'est un mec sympa et il a sponsorisé cette émission. Donc merci à lui. Si vous cherchez quelqu'un de sympa, bah, je vous conseille Big Flo. Big Flo, l'être humain sympa. Au revoir. Il s'agit du Flo de Cast. Ça pue sa mère. Floodcast. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Oui, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Floodcast, le premier numéro de cette rentrée. Oui, oh, quel bonheur. Ah, je pense que c'est le premier de, des premiers quoi. Bah non, t'es venu 14 fois. C'est un rebut. Je sais pas, j'ai oublié. Bah oui, non, c'est la saison quoi, 5, 6, je sais plus, 6, je crois, saison 6. 14e. Saison 6. Peut-être de Floodcast, oh, sûrement, de très grandes chances. Comme à l'accoutumée, je suis accompagné de quatre merveilleuses personnes. Humoriste, auteur, elle reprend son spectacle au Métropole, anciennement Comédie des Boulevards à Paris, dès le 1er octobre sur Billet Réduc. Sa moins bonne critique dit beaucoup de blagues pour les adultes supérieurs aux 30 ans, mais bien qu'ayant 21 ans, j'ai quand même bien rigolé. Voilà, c'est vrai. Et c'est la moins bonne critique. C'est donc vrai. Franchement, t'es bien. Super. Elle est c'est aussi génial. Sur France Inter à la rentrée et elle va donc bientôt se faire couper la parole par Nagui. C'est Morgane Cadignan. Oui. Bonsoir. Bravo. Merci. Scénariste, réalisateur, comédien, vidéaste, car je déteste dire youtubeur. Il est passé par Golden Moustache à créer Multiprise avec deux gars. C'est, tu m'as niqué, ah, mon pardon, gars. Mais... C'est incroyable. Je m'en branle, j'irai au bout. Et c'est aujourd'hui sur sa chaîne qu'on le voit entre autres acheter du PQ, manger du chewing-gum périmé et harceler Jean-Luc Azoulay. C'est Aurélien Prévost. Bonsoir. Scénariste, réalisateur, comédien, youtubeur, c'est bon, j'ai un peu réfléchi en fait, c'est pas si grave de dire youtubeur. Il est passé par Golden Moustache à créer Multiprise avec deux gars et il est aujourd'hui disque d'or, ce qui n'est que le premier des nombreux points communs qu'il partage avec Billy Crawford, c'est Freddy Gladio. Bonsoir. Laurie fait partie des autres points communs. Chut. J'ai son 06. Il était flic et il faisait du bon travail. Il avait commis le crime le plus grave en témoignant contre d'autres flics qui avaient mal tourné. Ces flics avaient tenté de l'éliminer, mais c'est la femme qu'il aimait qui avait été touchée. Accusé à tort de meurtre, il rôde maintenant du côté du Dakota. Un hors-la-loi poursuivant les hors-la-loi, un chasseur de primes, un renégat. C'est Adrien Méniel. Ouais. C'est l'intro de la série Le Rebelle pour les gens qui n'avaient pas reconnu. Qui n'avaient pas reconnu une ref encore bien moderne dans cette émission. Bien, ouais. on se permet. À 21 ans, on la comprend quand même. Avant la comprend. On fait genre. Avant de commencer cette émission, alors vous l'avez entendu avant ce jingle, cette émission est sponsorisée. Donc on remercie notre généreux sponsor Big Flo. Le rappeur Big Flo a sponsorisé. Bah, l'humain Big Flo. L'humain Big Flo, oui, c'est vrai que tu as raison. puisqu'on pourrait croire que c'est la marque Visionnaire qui nous sponsorise, ou bien même le groupe Big Flo et Oli. Alors, pas du tout. C'est vraiment Big Flo qui a sponsorisé cette émission. On va avoir des nouveaux micros très bientôt grâce à lui, donc on le remercie. C'est génial. De quoi? Il nous a donné de l'argent. Il nous a donné de l'argent. Il m'a signé un chèque à l'anniversaire de Carlito. Et il a sponsorisé 3 émissions. C'est génial. Voilà. Mais alors, il a tenu à, et vous l'avez entendu, vous auditeurs, mais pas vous autour de la table, il a tenu juste à qu'on dise qu'il est sympa. Donc ouais, on tient à le dire à tous nos auditeurs, Big Flo est sympa. Et sympa, okay. Et si vous voulez croiser quelqu'un de sympa, et ben croisez Big Flo. On a quand même mis son Instagram personnel en description. C'est parce génial, qu'il nous a quand même joliment payé. Donc voilà. Parce que nous on n'était pas très chaud de se faire sponsoriser par des marques. Donc du coup on s'est dit qu'on allait se faire sponsoriser par des humains riches. J'adore. Voilà, donc Big Flo va sponsoriser 3 émissions, je crois. J'adore, hein. Et peut-être après d'autres sponsors arriveront. Si vous voulez sponsoriser l'émission, n'hésitez pas. J'adore. Et vous avez un max d'oseille. N'hésitez absolument pas. Donc merci encore à Big Flo, grâce à qui on va pouvoir s'acheter des micros neufs, payer peut-être à manger aux invités. Partir tout ça. En vacances, faire des trucs. Non, pour l'émission, on va sponsoriser des panneaux. Ah, comment quoi, ça? Qu'est-ce que tu as dit? Il y a peut-être un petit jingle, Big Flo? Bien sûr. C'est toi qui le fais, je crois, Freddy d'ailleurs. Poum, ta, ta, Big Flo. Sans Oli. Il est sympa. Elle est très très bien. Donc faut pas hésiter à le trouver sympa, c'est ça le truc. Ah oui, trouvez-le sympa. Et si vous cherchez quelqu'un de sympa dans la ville, là je parle aux auditeurs, choisissez Big Flo. Voilà, ouais. Ouais. Enfin, non. Une fois qu'il te donne de l'argent, il devient beaucoup plus sympa. Non, il est sympa quoi. Il nous donne de l'argent. Donc oui, mais il est sympa. Quoi, il est d'autant plus sympa pour nous. Il a payé pour dire qu'il était sympa. Mais il est sympa, il est sympa. Non, mais nous sympa, on est juste invités. Est-ce qu'on doit aussi le trouver sympa du coup? En tout cas, si tu le trouves pas sympa, on Mais moi je le trouve sympa de base. Mais ah, bah, j'aimerais bien avoir de l'argent aussi. Non, tout va bien. Pour m'acheter un micro. Avec lui. Et bah tu feras ton émission, Aurélien. C'est tout, enfin. On le trouve plus sympa que toi. Pour commencer, vous savez, ce fameux jeu qu'on a parfaitement volé aux grosses têtes, je vous donne des questions au niveau des actualités et vous devez trouver de quoi je parle en fait. Faut trouver la fin de l'anecdote, tout bonnement. Donc, Big Flo sponsorise du plagiat, c'est ça que t'es en train de dire? C'est ça, bien c'est sûr. Ça. Très bien. Je crois qu'il est pas au courant, je crois qu'il n'écoute pas l'émission. Je pense qu'il nous a confondu avec 2 heures de perdu, pour être tout à fait honnête avec toi. Une jeune femme de l'Indiana a décidé de mener un style de vie assez particulier. À votre avis, lequel? C'est faux. Ah non, c'est pas ça. On parle du restaurant l'Indiana. Non, on parle vraiment de l'état des États-Unis. Elle s'est mariée avec un objet? Non, mais pas mal. Est-ce que c'est au niveau de son habitat? Est-ce que ça n'implique pas du tout l'endroit où elle habite? Ça peut l'impliquer, mais c'est pas ça. Ça va être une fausse piste. Oh, attention. C'est un peu sexuel, mais en même temps pas du tout. Pas de sexe. Non, pas de sexe. C'est sexuel et c'est lié à sa profession? Non, pas du tout. Mais sa profession est liée à ça. Elle a changé sa profession à cause de ce mode de vie. Est-ce qu'on peut avoir oublié l'intitulé de la question? Bien sûr. C'est mon cas. Une jeune femme de l'Indiana a décidé de mener. T'avais Indiana, je sens. Oui. Une jeune femme de l'Indiana a décidé de mener un style de vie assez particulier. À votre avis, lequel? Sachez, elle veut je vous aide être un petit enceinte peu. Tout le temps. Non. Sans pause. Non, c'est dès qu'elle accouche. Mon petit supplément sympa. Oh, sympa. Ouais. Ne plus être debout. Non, pas ça du tout. Mais sachez que chacun dans votre manière, vous vous êtes approché de la réponse. T'avais dit quoi? Moi, j'ai dit qu'il y a du sexe et que. Elle vit avec un objet. Donc ça n'a rien à voir. Elle vit avec. Donc, attends. Du sexe. Moi, j'étais bien dans le elle sexe. Elle vit avec du sexe. Oui, t'étais très bien de dans le sexe. De manière générale. Non, mais ça va. Dans le sexe. Mais en l'occurrence, ce que je veux vous dire, c'est que ça implique aussi son mari. Voilà, c'est ça. Son mari toujours subit elle. Un peu le truc. Non. Est-ce que c'est son mari depuis longtemps ou c'est genre son style de vie? Ça a été bam, non. C'est son mari. Et non. Mais faut l'accepter le style de vie. Non, c'est pas. C'est son mari depuis longtemps. D'accord. Et donc le mec a dit bon, ok. Oui, visiblement. Ok. Peut-être qu'elle le considère comme un animal. Non, ça la concerne vraiment elle. Elle est une table. Elle est une table désormais. Faut qu'elle soit pénétrée tout le temps. De manière. T'as dit que c'était un peu sexuel, c'est ça? Hein c'est quoi son adresse? C'est une patate. Parce qu'il y a peut-être des clients, mais c'est pas nous. Parce que nous on n'est pas beauf. Elle est beauf si vous êtes reconnus là-dedans. C'est vous les beaufs. C'est pas nous du tout. Non, en fait son style de vie est vraiment mais tu sais tu dis que c'était une table. Alors c'est pas une table mais on s'approche d'un truc. Une étagère, une commode. On n'est pas sur du édredon. On n'est pas sur du mobilier. Du polystyrène. De la décoration? Non. Pas de la décoration. Elle ne la dit vaisselle. Que non, la pas vaisselle. De la vaisselle. Un animal, elle est devenue un animal. Non, mais on s'approche. Une enfant. On s'approche. Un radiateur. Là c'est vraiment du bruit. Un nourrisson? Oui, c'est ça. C'est devenu un nourrisson. Un bébé. Ouais. C'est devenu un bébé. Alors attends, moi ça m'a. Alors, en toute honnêteté, j'ai failli le dire tout à l'heure, et comme t'as dit, c'est un peu sexuel, je me suis dit, oula, non, du coup. Ce que j'ai dit, et les auditeurs, oui. Attendez, on réécoute. c'est sexuel. Ouais, tu l'as dit. Pardon, c'est ma voix. j'ai fait rembobiner. Ah, tu t'es jamais entendu, mais c'est ta voix. C'est ma voix, c'est fou. Ah, mais je regrette tout, j'arrête. Oh, mais je regrette tout. Non, c'est pas. Il y a un écho. Il y a un écho dans la machine. Alors pardon, je suis assez attaché à la science. Un humain ne peut pas devenir nourrisson. Voilà, je peux vous dire. Non, c'est un adulte. Mais tu peux en adopter le style de vie. Un mode de vie. Exactement. Ah, attends. C'est 24 heures sur 24. Des gars dont le kiff, c'est de mettre des couches et de faire changer ça. Oui, dans le cadre du. C'est banal. un samedi. un samedi pluvieux. C'est The Voice, quoi. J'allais dire un truc, mais comme c'est peut-être le truc dont je t'ai parlé hier sur le. C'est quoi? C'est le chef de protocole du ministère de l'Intérieur. Vous avez. Beaucoup d'eau. En gros, le chef de protocole du ministère de l'Intérieur est scatophile. Et il a été. Voilà. Il a été diagnostiqué. Info, c'est une info que tu balances pour la première fois? Non. C'est non, pas mais... sorti dans la presse, hein, c'est Adrien qui le court. Comment ça date le sait de hier, quoi. Parce qu'en fait, le mec, il a posté des vidéos sur des sites spécialisés et tout, quoi. Et il y a des gens qui ont retrouvé ça, quoi. Oh, c'est pas bien. Non, mais moi, ce que je trouve, je voulais dire, parce que là, il est question qu'il se fasse virer, du coup, le mec. Virer les autres gars, là. Non, mais faut. Mais pourquoi, ce qu'il fait le mec... soir, ça le regarde. Ouais, enfin. Je suis d'accord. Moi, je trouve que ce serait un geste fort de pas le virer, quoi. Bah ouais, ça l'empêche pas d'être un bon protocole. Et... Ah bah attends, si on vire lui, ça doit être les autres connards. Le métier, c'était quoi le métier? Non, mais parce que. Et là, je vais être politique. Oh, attendez. Parce que notre sponsor pense à notre sponsor. Attends. J'ai pas envie de le perdre. C'est un rappeur, c'est totalement, ça va. Tu vas voir, il va être encore plus street après. C'est toi qui. Non, mais en fait, le mec, c'est un keuf. Le mec, il est brigadier, machin, etc. Ah. Et ils disent ils songent à le virer parce que ça pourrait entacher l'image de la police. Ce qui est fou en ce moment de dire. Mais franchement, quand tu te dis que manger sa merde, oh c'est pas là le pire truc qui pourrait entacher l'image de la police. Oh. Alors, scatophile, je crois que c'est même pas vraiment manger. Tu peux. Mais c'est pané, c'est de la merde. Le détournement. Tu fais quoi, ça non, scatophile, c'est se mettre de la merde partout et danser. Oui, bah c'est pas interdit par la loi. Freddy, t'es allé trop loin dans l'illustration. Putain, t'étais pas obligé de te mettre. Il a dansé, il a mis de la merde dessus. Regardez, je crois que c'est ça, scato, regardez. Oh là là. Mais tu avais de la merde dans un sac plastique. Attendez, c'est quoi cette histoire? Oh la vache! Je... La il l'a mis comme de l'aftershave. Tu sais, il s'est tapoté les joues. C'est terrible. C'est Kevin McAllister dans Maman, j'ai raté l'avion. Non, mais moi je trouve il faut garder ce. Moi je voudrais faire une pétition pour qu'il se fasse pas virer quoi. Parce qu'en plus, il doit être tellement bon dans son taf. Alors, t'aimerais, mais t'aimerais pas qu'il te. Il est tellement bon dans sa passion aussi, il paraît. Oui, c'est ça. Non, mais oui, bah en plus, il dit oui. Et, alors... et ce qui m'avait dégoûté, par contre, parce que bon, je comprends, mais en même temps, ça me dégoûte quand même le ah, tu peux. Manger de la merde. Parce que évidemment, dans les articles. C'est pas manger. Mais c'est si, tu peux. Mais c'est pas tapoter les joues avec de la merde. Ah, ok, c'est juste s'enduire de merde. Ok, my bad. C'est super. Non, non, mais. Bonne rentrée de podcast. Pas. Oui, bah, vraiment très, on est très vite à l'image de l'année. Ouais, ouais. On a mis les pieds dedans et ça porte bonheur. Tape dans ma main malgré le Covid. Je m'en branle, putain, je l'ai déjà eu. Je sais plus ce que je disais du coup. Tu disais que t'aimerais d'étaler de la merde sur un visage. T'aimerais qu'il se fasse pas virer et que. Et que ça serait un geste fort. Ouais, mais si j'allais dire autre chose. Non, voilà, j'ai perdu. Si tu signes une pétition. Non, non, je sais. C'est le truc qui te dégoûtait un peu malgré tout. Oui, c'est ça. C'est qu'évidemment, dans les articles, ils décrivent pas la vidéo et ce qu'ils faisaient dans les vidéos. C'est pour ça que je ne sais pas s'ils mangent du caca ou pas. Mais le truc qui m'a encore plus dégoûté, c'est qu'ils disaient une des vidéos se passait dans les égouts de Berlin. Et du coup, c'est encore pire que s'ils avaient. Une chanson de Jacques Brel d'ailleurs, dans les égouts de Berlin. Ah ouais, donc à la recherche de merde. De Berlin. Ah, c'est très précis. Il y a des chefs de cabinet qui te sortent vis de merde. Alors, et tu veux pas qu'ils se fassent licencier malgré ça? Mais non, mais quoi. Moi j'ai pas d'avis. La mais vidéo, mais il a une chaîne YouTube et tout. J'ai pas d'avis, mais si je demande à avoir un, bon, peut-être que je dirais, bah, casse-toi en fait. Mais casse-toi en fait. On veut pas te voir ici, tu dégages. Va chier. Exactement. Ça me plaît beaucoup. Non, mais moi, le mec, bon, j'ai du mal à comprendre qu'on kiffe ça, mais ça le regarde quoi. C'est vrai. En tout cas, tu le défendrais. Et il viendrait te remercier, il tendrait la main. Et t'aurais pas envie de lui serrer la main, gros, parce qu'il fait caca dessus. Je pense que. Non, mais en fait, en vrai. Si on le vire pas, il va démissionner au bout de deux jours. Bah c'est juste qu'il confond les toilettes et des mains en fait. C'est ça le problème. C'est ça le truc. Très longtemps qu'on parle de ça. Dès qu'il a envie de faire caca, il met ses mains te dire. Je t'ai pas prévenu Morgane, c'est une spéciale. On va parler que de mes. J'aurais dû te le dire dans le mail. J'ai merdé. Ça tombe bien. Bon, en parlant de se chier dessus, donc la meuf a décidé. T'as vu cette transition ou pas? A décidé de vivre comme un nourrisson. Donc vas-y. Oh merci, putain, merde, waouh. Bah excuse-moi, une doublette en tennis, c'est ce qu'on est selon bien moi. Bien sûr, en tennis de table. Tennis de table. Donc Lexi, qui a 22 ans, est-ce qu'elle s'appelle elle-même un bébé au foyer? Aussi fou que cela puisse paraître, elle se dit être une enfant de 2 ans coincée dans le corps d'un adulte. Donc elle, pour elle, c'est même pas conscient, c'est qu'elle a 2 ans. Et elle le dit comment? Elle fait. Mais les gens sont formidables. Elle s'est juste cassée la gueule et elle parle comme ça. On a déduit qu'elle avait 2 ans, mais dès lors, et comme tous les bambins en bas âge, elle passe ses journées à jouer, regarder les dessins animés ou encore boire du lait. Qu'en est-il de son compagnon? Eh bien, Alexis, qu'elle appelle papa, c'est visiblement. Yes. Oh, écoutez, vous allez voir. C'est là le sexe. Là. Non, non. C'est finement travaillé. Je préfère me faire chier dans la bouche. Papa s'est visiblement habitué à cette étonnante vie, puisqu'il confie des histoires avant de la mettre au lit et lui change ses couches quotidiennement. Il y a cependant un mec. Avec sa queue, par contre. Bon, c'est ça qui est. Il y a cependant un mec dans cette relation bébé-adulte. Les relations sexuelles, celles-ci sont tout simplement interdites. Ah, je retire ce que j'ai dit. Sachant qu'en plus, Alexis n'a pas le droit de coucher avec une autre femme. Donc bébé de 2 ans, mais qui a quand même conscience de la fidélité et de. Voilà. C'est l'inverse d'un couple libre. Là, c'est au max. Je couche avec personne, même pas moi. C'est bien ou pas? Ouais. Et en plus, je branle rien dans la maison parce que j'ai 2 ans. Et tu dois me changer ma couche. C'est cool fou. Ou pas? Le mec a fait. Là, elle dit, je ne fais pas que jouer un rôle. Je vis comme si j'étais un bébé. Et c'est ce à quoi j'aspire pour le reste de ma vie. Ah ouais, un bébé de 2 ans, ça donne des interviews ouais, ou pas? C'est ça, ouais. Non. Allez, cassez-vous. Mon petit ami est très favorable. Je lui en ai parlé dès que nous nous sommes rencontrés sur un site de rencontre, donc j'ai menti. En fait, c'est dès le début. Ah, il était non, okay. Mais ça, c'est une légende. Il a pas subi ça, quoi. Non, mais c'est quelqu'un qui est sous légende. Non, mais ça existe pas. Non, mais enfin, qui fait ça? C'est fou. Non, mais c'est le mec qui a dit oui dans l'espoir en se disant peut-être qu'au bout de 6 mois, elle va se lasser. On va ken. Je pense que c'est ça. Ouais. Non mais elle dit oui maintenant mais c'est... Et non, puis ils interdisent la relation sexuelle au sein du couple. Mais on sait que quand il y a interdiction, il y a un peu excitation. C'est oui mais là. Et peut-être c'est... qu'il y a un bébé comme ça au après, fond de la pièce comme ça qui fait hey. Regarde ça, regarde moi. Fais pas genre tu m'as pas vu, je suis là, regarde comment je marche. des pas comme ça. Regarde là. Ça te donne pas envie ça ce que je fais là, là il dit juste non. Non, non, non, non. Et elle dit bien non, joué, je reviens vraiment pas. C'était un piège, bien joué. J'ai chié dans ma couche. Regarde mes pieds comme ils sont ronds. J'ai le crâne tout mou. Elle, elle s'est fait enlever un morceau de crâne pour avoir une fontanelle. Regarde comme je sais pas boire. La prochaine histoire est celle de Tony, 43 ans, qui s'est fait larguer par sa femme et pour la même occasion risque 20 ans de prison. À votre avis, pourquoi? Parce qu'il voulait vivre comme un bébé. Non, non, non, non, non, ça pourrait. Comme un vieux. Il s'est fait larguer par sa femme et il risque combien? 20 ans de prison. Bah, on imagine harcèlement, mais pour c'est la pas même ça. Non, c'est pas ça. Non, pour plutôt, la même raison. Plutôt c'est un rigolo. Truc marrant. Oui, oui, pour la même raison. On écarte la merde, oui, c'est encore question de non, merde. Non, il n'y a pas de merde. Attends, c'est question de sexe. Un truc bonne marrant, question. 20 ans de prison. C'est bonne question, cela dit. De quoi, c'est quoi la question, pardon? On écarte. On écarte la merde. C'est pas une question de merde. Non, mais c'est pas une question dans la vie. C'est là pour le jeu. Voilà. Vous vous rappelez qu'il y a quelqu'un au gouvernement qui, dès lors que t'as envie de faire caca et tu demandes où sont les toilettes, il te dit bah là et il tend ses mains? C'est, que, mais c'est non, quand même fou. C'est comme, il dit c'est ici qu'il faut le faire. Il est impeccable dans son taf. C'est que sur sa chaîne YouTube qu'il fait ça. De toute façon il va démissionner le mec si ouais, on le vire pas. Parce que tout le monde va, comme tu disais, dès qu'il va tendre la main à quelqu'un, ils vont faire non. Au oui, bout de deux jours il va faire bon allez. Écoutez terminé. Je pense qu'il faut ouais manger votre merde. Bon, on peut pas, discuter. Peut pas parler. Il va dire mais je la mange pas en fait, Je m'enduis. J'en ai dans mes poches actuellement. Dans un ziploc, je sais me tenir. On est à l'Elysée, putain. Je ne la sors que dans les égouts. De Bernard. Là, en plus. Je fais même pas ça en France. Je prends le Thalys, je fais quand même l'effort. J'enregistre ma merde à la douane. Enfin, normal, quoi. Mais ne le virez pas, s'il vous plaît. Non, non, non. Ça me fait beaucoup rire, mes respects. Donc, Tony, 43 ans, surpris par sa femme. Attention. Oui, oui, non, mais surpris par sa femme en plein rapport. Et elle l'a quitté en plein rapport avec quelqu'un d'autre. Bah, avec un bébé de 2 ans. Non, pas avec un bébé de 2 ans. Non, non. Mais donc là, tu nous as donné un indice de ouf. Je vais donner un gros indice. Oui, 20, ou ans, 20 ans, c'est un animal. Oui, c'est quoi la réponse? Un chien. Ouais, j'allais dire un chien. Non, bah 20 non, ans. Pas un chien. Attends, il risque 20 ans de prison. Je rappelle d'ailleurs qu'à 20 ans, rien n'est impossible. À 20 ans, tout devient possible. C'est vrai. On en revient à Laurie. On en revient à Laurie. Bah, à 20 ans, un animal avec un bon avocat, tu le prends 20 ans. Je te le dis, mon gars. Est-ce qu'on a ce que disait Morgane tout à l'heure, un objet? Non. Alors, attends, il risque 20 ans de prison pour ce ou la, pour la ou même la chose avec laquelle alors, il a été surpris au lit. T'as dit sa femme Oli, Oli, on Oli, Oli. Qui sponsorise pas. Attends, j'ai l'impression que Morgane a la réponse. Avec leur fille? Non, non, bah, non. Leur fille. On s'approche, mais c'est alors, pas alors, attends, non, parce que t'as dit. Là, tu donnes des faux indices, hein, j'ai l'impression. Oh, le parce que ce doigt, je le dis. Tu as dit, ouais, c'est un peu marrant. C'est marrant, t'as dit comme c'est raison. C'est un donc, peu marrant. S'il a baisé quelqu'un de sa quelqu'un famille, de c'est famille. Pas marrant. Sa grand-mère. Non. Sa mère. Si c'est quelqu'un de marrant dans sa famille. Il a baisé sa mère. Allez. Il a baisé sa mère. C'est ça. Il a baisé sa mère. Ça, non, c'est marrant, sa mère à lui ou sa mère à elle? Non, alors voilà. Et c'est là. Bah, à lui pour la à prison. Lui, à lui pour la prison, inceste. L'inceste, mais... c'est 20 ans de prison. What? Eh, fais gaffe. Si elle en dit, tu sais bien que. Ce n'est pas possible. Là, c'est très difficile pour moi. Peut-être beaucoup plus. Mais elle est peut-être handicapée, c'est pour ça qu'elle est décédée. Ah, il a baisé, décédé. Non, non, non. Attendez, ça se mélange. Non, ma mère, Freddy. Sa mère. C'est Adrien qui a baisé sa mère décédée. Ah, ok, d'accord. Non, Tony la voix. Non, mais c'est parce que c'est un peu marrant. Mais bon, voilà. Dit comme ça, non. Mais l'histoire est un peu marrante. Après avoir évoqué la mort de ma mère, c'est moins drôle. Quoique, Tony la voix, sa mère. Parce qu'elle est morte dans les égouts de Berlin. Là, ça redevient très drôle. Au moins, tu iras pas en prison. Il risque jusqu'à 20 ans de prison pour inceste. Les faits remontent au 20 mai. La femme de Tony a surpris l'homme de 43 ans et sa mère de 64 ans en plein rapport sexuel. Le 20 mai, le 20 mai c'est pas sorti la fête de sorti de confinement, c'est pour ça. C'est normal. Ou alors pendant, peut-être, le confinement. Genre, mais Tony s'est expliqué auprès des policiers et a sorti une très bonne excuse. Il a dit elle est je ne sais bonne. Pas, c'est juste arrivé. Bah ouais, bah ouais non, mais voilà. Things happen. Une espèce de, voilà, de netteté. Selon les informations de nos confrères du Sentinel et Enterprise, mère et fils ont tous les deux reconnu avoir eu des rapports consensuels. Cheryl aurait expliqué qu'elle et son fils étaient rapprochés au cours des derniers mois et avaient commencé à coucher ensemble. Le confinement, voilà, pas, mais le confinement. C'est, je savais pas que c'était passible de prison à partir du moment où les deux étaient majeurs. Bah, ouais. Alors, il faut que j'appelle mon frère. Ah, ça dépend peut-être des états. Et des bons avocats ou pas, quoi. Voilà. Mais là, en l'occurrence, ils risquent ça, mais l'histoire ne dit pas s'ils ont été jugés coupables. Mais oui, parce ou que dans acquittés. Ce cas-là, qui. Surtout plainte, qu'en fait, y a pas ils ont dit qu'ils étaient tous OK, mais ont plaidé quand même non coupables. Donc je ne sais pas comment ça va se goupiller. En tout cas, on les embrasse. On les embrasse. C'est deux fidèles auditeurs de l'émission. On s'est rapprochés les derniers mois. Oui, enfin, tu peux te rapprocher de ton fils sans baiser. J'ai vraiment l'excuse de merde. Ils ont été surpris pendant. Ouais, ouais, par la femme. Personne n'a joui, donc il n'y aura pas de conséquences. Marrante. C'était peut-être pas la première fois. Personne n'a joui. Puis, 64 ans, elle avait. Ouais, c'est vrai. Je vois ce que tu, je connais ce concept. Que tu parlais de, oui, ouais. Qu'elle allait faire un enfant de 22 ans, donc on rejoignait la meuf d'avant, mais non. Non, ça m'a écœuré. Ça me met des petits frissons le long de la colonne. C'est une bonne, c'est une bonne raison de larguer. Et quelqu'un. Bah, je sais pas quel est son taf, mais je. Qu'il ne se fasse pas virer. Je vais faire une pétition. C'est rigolo, figure-toi, parce qu'elle est au bureau du protocole. De la merde. De Berlin. Non, mais c'est une bonne raison de larguer quelqu'un. Oui. Oui, voilà, baiser sa propre mère. Oui, oui. Même si c'est ça un ami. Dans de... les 10 bonnes, ouais. Oui, oui. Même si c'est juste une connaissance, de couper les ponts avec cette personne. Même si on est, tu vois. Ah, t'es ouais. Comme ça. Ah, tu... Ça mérite un petit divorce. Tu baisses ta mère. Bah écoute, je vais te follow. À minima, je vais te follow. Si mais j'aime l'idée en tout cas des photos dans les cadres, dans la maison qui petit à petit évoluent, tu sais, avec la famille. Tu sais, au début, c'est genre, bah, c'est un fils et sa mère, et vraiment sur la dernière, ils s'embrassent. Et tu dis, bah, c'est, vous êtes ensemble. C'est vraiment une blague des Simpsons. C'est vraiment c'est ça, traveling, ouais, c'est ça, traveling à la fin, vraiment, ils se galochent sur plus la dernière, ils sont en guy, vacances ensemble. Plus Family Guy. Oh, le puriste. Est-ce que vous avez déjà largué quelqu'un pour une raison objectivement pas ouf? Ça, c'est une vraie bonne raison. Mais peut-être une raison vraiment où tu dis, oh, c'était juste. Moi non. Ou peut-être pas continuer une date même. Genre, tu fais une date. Et pendant la date, tu te dis, ah, non, ça va pas le faire. Toi ? Non, mais pour moi, c'est une raison complètement valable, mais. Mais t'as droit d'attendre. L'origine ethnique. Non, pas du tout. Beaucoup de fautes de grammaire. Ah bon ? Ah ouais ? Ah ouais, franchement, au 8e, au coiffeur. Non, je sais, ça fait vieille. Vous parliez de coiffure à fond, quoi. Bah, c'était Franck Provo. Ou alors, c'était au bout de 4 ans, tu sais. Non, mais c'était vraiment à toutes les phrases. Mais changer de sujet, changer de sujet. Non, mais c'est pas le coiffeur. Non, mais pas le coiffeur, les fautes de grammaire et de syntaxe. Et toi, vraiment, ça te bloque le cerveau. Alors que je suis une demeure en orthographe et que je fais des fautes à tous les mots, mais à l'oral, je trouve ça hip. Mais ça faisait teubé, quoi. Ça t'a bloqué sur le truc. T'as dit au moment, genre, quand il t'a demandé pourquoi, t'as dû lui dire, écoute, tu fais des fautes de grammaire. Non, mais c'était. T'es sûr que c'était pas un adulte qui vivait comme un enfant de 2 ans? Non, mais c'était. Vous avez un coiffeur. On était au deuxième ou troisième verre, donc c'était pas très grave. Mais Oui, voilà, t'as passé outre. Oui, non, je l'ai pas quitté au bout de 7 ans. C'est parfois, c'est pas des fois. Non. On dit en revanche. Alors, par contre, on dit en revanche. Attends, je suis perdu là. Il y a que moi qui ai eu des raisons pourries comme ça. Je sais pas. Mais en tout cas, au coiffeur, moi, il y a quand même débat chez les linguistes parce qu'ils disent qu'il n'y a pas de raison de ne pas dire au coiffeur. Rappelle-le. Oh, ouais, reprends contact avec lui. Parce que chez le coiffeur, on va pas chez lui, on va sur son lieu de travail. Donc, oui, moi, et c'est en plus, que quand on va à la boulangerie. Je vais aller chez le coiffeur. Moi, on me disait petit, ah, tu vas aller chez le coiffeur. Et je disais non, tout ça. Ah oui, lui lécher le coiffeur. Ah ouais. Et quand tu disais je vais baiser ma mère, là on disait vas-y fonce. Ah tu vas baiser ta mère. Ah ouais ouais. Vas-y fonce. Ah ok. Vas-y champion avec une petite tape sur la nuque. Ah, tout du moment que c'est bien conjugué tu peux y aller. Mais je suis d'accord, le chez, moi je suis pas d'accord avec ça. Mais moi chez vraiment vrai tu es invité chez quelqu'un. Enfin non mais c'est tu fais venir vraiment. Il y a une fête quoi. Il y a une fête. Il y a une explication historique en vous gros. Vous ne coucherez jamais avec. Avant en fait. Non mais avant on disait au coiffeur. Elle a deux doigts de se barrer. Avant on disait au coiffeur. Et après les coiffeurs recevaient chez eux. Donc on a dit chez le coiffeur. Je passe vraiment pour une grosse conne. Non mais, oui non, non, mais c'est ah, pas pour une meuf. Non, non mais pour une meuf très sèche non, j'ai pris cet exemple du au coiffeur qui était un minimum par rapport à ce que cette personne avait comme difficulté à s'exprimer correctement. Elle était également antisémite. Voilà, on peut voilà. Voilà. Voilà. J'ai dévié justement. J'ai essayé de faire oublier ton classisme. Non mais si tu veux ne pas t'enfoncer, dis que voilà la personne était moche ou un truc comme ça. Raciste, il était raciste. Non mais moi je peux complètement comprendre. Mais par contre t'as l'effet inverse. T'as des gens qui se disent ah moi j'ai genre ça peut exciter des gens de se faire un ou une teubé. Ah exemple. Complètement. Tu vois il y a un truc qui peut être un peu. Mm-mm. Je dis pas que quand tu fais des fautes de grammaire t'es teubé, mais c'est un peu quand même. T'es quand même bien concon. Morgan l'a dit. En tout cas. Morgan l'a dit de toutes lettres, mot pour mot, ça faisait teubé. Vous pouvez. Moi je crois. Ça faisait teubé. Ouais, j'ai remplacé l'extrait. Attends, t'avais déjà entendu ta voix. On avait des voix très similaires. Je sais pas. C'est fou, on a la même voix. J'ai une voix sexy. Mais moi, je rebondis. Du coup, effectivement, aussi, une meuf m'a dit une fois qu'elle était contente de me voir parce qu'elle était colombienne. Et elle me disait que c'était cool parce qu'en France, elle venait pour voir des grands blonds. À l'époque, j'étais blond parce que j'avais plus de cheveux. J'ai une casquette, je sais pas si tu connais ma vraie tête, mais il n'y a rien en dessous. Et du coup, elle m'a dit. Et du coup, je suis content parce que je suis arrivé en France, je pensais qu'il n'y aurait que des grands blonds. Et en fait, il y a quand même beaucoup de noirs. Et du coup, je suis content de faire un date avec toi, tu vois. Ah oui, ouais. Par contre, je l'ai baisé, mais quand même, voilà. J'étais choqué. J'ai failli être inquiet. J'étais jeune. Mais c'est horrible, on te dit ça, tu dis comment tu penses que je peux trouver ça cool? Tu me dis cool en me disant un truc horrible, tu sais. Quand j'étais au collège, horrible. Quand j'étais au collège, j'ai fait croire que j'avais mis un râteau à une meuf, alors que j'avais même pas fait de sortie avec elle. Mais sauf que cette meuf existait. Putain, mais un incel non, total. Non, mais elle. Bah, c'est après que je suis devenu le Joker. Non, mais et, alors que la meuf existe. Donc, des gens sont allés la voir en disant c'est vrai. Et elle a non. dit bien sûr que non, je ne suis jamais allé au cinéma avec lui voir Le Roi Scorpion. Je me souviens que c'était un mytho sur Le Roi Scorpion. Ah, avec The Rock, évidemment. Et bah, très vite, une réputation. Après, les petites villes de France, donc une réputation qui est restée une bonne. Encore aujourd'hui, on me dit c'est toi qui n'es pas sorti avec. mais une réputation traînée sur 10 ans. Tu dis oui, mais j'ai vu Le Roi Scorpion par contre. Hein. Je l'ai même en DVD. Donc, juste, j'y suis avec mon père. C'est un demi-mensonge. Si je peux me permettre. Hein. Et toi, Freddy, rien ? Allez, balance. Moi non, j'étais jeune, je précise sur mon anecdote hein. raciste que j'étais jeune. Bah, oui. Non, je vois et pas. La baisse n'était pas, pas ouf. De... Parce que j'étais pas à fond dedans parce qu'elle était raciste. C'est vrai en plus, mais c'est vrai en plus. Donc juste toi, que... Freddy, rien. T'as jamais largué, de toute façon, toi. Toi t'es, bah, voilà. Lui, c'est un. Si, mais pas, pas le truc de pas aller plus loin directement, etc. Oui. Pour une raison. Enfin, il n'y avait pas de raison. Les fois où ça s'est terminé, c'est que je me disais que ça collait pas, mais je me suis pas dit, ah, j'aime pas ça chez elle. Oui. Ou j'aime pas ce truc-là. Mais c'est dur de larguer quelqu'un quand même. T'as déjà. Vous êtes plus largué ou vous êtes plus fait larguer? Moi, je suis plus resté longtemps en couple. Oui, c'est ça. Moi, je suis un peu dans ton team, dans ta team aussi. Moi, je suis plus resté longtemps en couple. Mais bon, ça s'est bien fini pour des raisons qui étaient... non partagées. Du caca, du caca, du racisme. Partout, un peu des deux. Donc, non, mais t'as plus largué ou tu t'es plus fait larguer? Bah, sur les dernières années, j'ai largué une fois. Ah oui, mais wow, c'est même wow. pas... Moi, ben, pour, tu sais, pour, au bout d'un certain nombre d'années, tu dis même plus largué. Tu dis, je me suis séparée. Oui, voilà. On a arrêté là. Voilà. D'un commun accord. On a fini un cycle. Hein. Accord. Moi, on m'a appris, je savais pas à l'époque, que vraiment, je faisais ghoster. Ah oui, oui. Et en fait, ça, c'est terrible. Non, mais moi, je ghostais, mais j'avais même pas conscience. Faut déjà, pas le mot, ça. Faut ouais. surtout pas le faire. Et je me suis excusé auprès des meufs à qui. Bon, il y en avait deux, hein, calmos. Je me suis excusé auprès d'elles après parce que je n'avais pas conscience sur le moment. T'as envoyé une note vocale sur WhatsApp? Ouais, j'ai fait. Désolé. Me cancel pas sur Twitter. Mais oui, disais rien. Ouais, non, faut surtout pas faire ça, c'est terrible. Hein, de ghoster. Ah, horrible. Et quand j'essaye vraiment de résister à nous, parce que nous aussi, on a la tentation de le bien faire. Bien sûr. Et bah, un bon arrachage de pansement, on gagne tellement de temps. Mais je crois que. Est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est ghoster? Pour peut-être les gens qui pensent que ça a un rapport avec le film. Quel rapport avec la poterie? Non, mais en gros, ghoster, c'est quand tu veux couper les ponts avec quelqu'un, parce que ça peut être aussi en amitié. Et au lieu de exprimer clairement ton intention de ne plus voir cette personne, tu le laisses en vie. Arrête, ouais, voilà. Ouais. Tu arrêtes de lui parler complètement. Tu fais mais après, la nuance, c'est que des fois, tu le fais sans te rendre compte parce que tu dis putain, faut que je réponde, faut que je truc, faut que je machin. Et puis au bout de 15 jours, tu dis je suis en train de ghoster la personne. Oui, et tu laisses une note vocale. Tu es un incel, tu es le Joker. Ça, c'est ce que t'as dit aux meufs que t'as ghosté. C'est jamais fini, quoi. Tu vois, il y a un moment, le ghosting s'impose aussi. T'es peut-être obligé de semi-ghoster parfois. Non, mais une fois que t'as dit clairement tes intentions, c'est plus ghoster. Si tu dis je veux plus te parler et que l'autre il te parle et que tu lui parles plus après, tu dis c'est évidemment pas ça que j'ai fait. Moi j'étais vraiment. Bien sûr, Florent. T'as changé de numéro. Ta cabane à branlette, là, bien sûr que t'as pas fait avec tes magazines comme de cul, là. Comme si dans ma cabane à branlette, je voyais des meufs à l'époque déjà. C'est arrivé il y a bien des années après, mon pauvre. On pourrait aller sur l'Insta de Flaubert, il y a une photo de sa cabane à branlette. J'étais dans une cabane. Il a essayé de faire genre, c'est poétique. C'était là où tu te branlais. Je me branlais dans une cabane, dans un jardin, car je partageais ma chambre avec mon frère jusqu'à mes 17 ans. Comment tu branles? Bah, t'es dans une cabane et t'as une cabane. C'est dans les films américains qui se branlent dans des cabanes. Et t'as déjà tout rangé, alors que c'était un écureuil ou un truc comme ça. Oui, mais c'est un écureuil qui fait vous branlez. qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc moi j'ai ghosté parce que date qui se passe pas très bien et tu ne relances pas parce que tu t'es. Mais vraiment, je vous jure, c'est honnête, mais ça reste que j'étais une merde. Hein, mais et tu te dis, bon, elle a dû se rendre compte que c'était de la merde, arrêtons de nous parler. Et en fait, non. C'est, alors, on se voit. Voilà, il fallait dire non. Non, mais même elle n'a pas spécialement répondu, mais du coup, tu donnes pas de nouvelles. C'est mieux de dire on arrête. Et c'est bien de le faire tout de suite, comme ça, t'as pas besoin. Si tu le fais vite, tu dis, bon, on a vu, il n'y a pas eu le petit truc. Alors que si t'attends que la meuf elle dise on se revoit, là c'est beaucoup plus dur de répondre non. Non mais attendez, ça on en est encore au stade des dates. Moi je connais des gens qui se sont fait ghoster en pendant couple, ça, la c'est relation. Horrible. Ouais, ça, mais c'est même vrai. Des couples même sur du premier mois. Ah ouais. Où t'as déjà eu un dimanche matin à te dire on mange quoi. Et après le mardi rien. Good girl, ouais. Good girl ça, c'est aussi. Terrible. Je crois. Ah ouais, non, ça c'est vénère. Ça, c'est... Enfin, moi c'était déjà vénère, mais là c'est vraiment plus. Bah oui, les clubs, tu vas acheter la rumeur. Non, mais tu moi tu me fais ça, clubs, j'appelle tu... tous les hôpitaux de l'Île-de-France. Enfin, ouais. Tu vois, oui, premier réflexe, je me dis la personne est morte. Ah oui, okay. Ah bah c'est marrant, il y a ça dans la série Six Feet Under, je sais pas si. Ouais. Bah il y a ça, c'est-à-dire que la meuf gosse le gars et il appelle justement tous les autres. Ouais, il est inquiet. Ah ouais. Il avait un forfait limité, j'espère. Ouais. Là c'est vraiment quand on sait pas communiquer, parce que pour le coup, moi j'ai beaucoup de mal à larguer, tu vois, ce truc de dire on est vraiment des bons amis, non? Tu vois, c'est ce truc là parce que c'est vrai, souvent c'est ça en fait, c'est que moi il met déjà il y a plus la flamme. Ouh, non mais Freddy, il ghoste pas. Il offre une trottinette. Tu l'as déjà dit publiquement, on veut l'histoire maintenant. Attends, merde, pardon. Je crois que tu l'avais déjà dit publiquement. Je crois que quelqu'un l'a dit pour moi. Ah merde, pardon, excuse-moi. Non, mais excuse-moi. En vrai, la formulation est tellement bien. J'ai un petit time code, Freddy, elle pourra sauter. La formulation est tellement bien, j'étais obligé quoi. Non, mais en vrai, tu vois, j'avais oublié ce truc-là. Mais oui, voilà, c'est un des exemples. C'est-à-dire que j'étais avec quelqu'un, je savais franchement au bout de 3 semaines que. Faut dire que c'était Nadine Morano. Faut quand même. Je savais le contexte. Mais franchement, non, mais une fille adorable, etc. C'est-à-dire qu'elle avait toutes les qualités du monde, tu vois. En fait, c'est juste. Sauf. Posséder une trottinette. C'est juste non, ça vraiment, prend pas quoi. Vraiment c'était très bien. Oui voilà exactement. Et c'est juste que il y avait pas le truc quoi. Et du coup je reste avec elle, mais je passais des bons moments, mais je savais que ça allait être la fin très tôt, tu vois. Donc ça a duré peut-être 3 mois, alors que bon, je savais que j'arrivais pas à lui dire, tu sais. Je me disais là aujourd'hui je vais lui dire, tu vois. Mais parce que elle tu la sentais accrochée. Ouais, okay. Exactement. Et en fait, moi, ça me fend, tu sais, ça me déchire le cœur de devoir dire à quelqu'un. Alors qu'en fait, elle te kiffe. Je l'ai baisé après, elle t'en battait les couilles de toi. Elle s'en foutait. Non, mais en fait, c'est horrible de dire à une personne que c'est dead alors que t'es quand même attaché à elle, mais en tant qu'ami. Ne serait-ce que ça, déjà, c'est très très dur, tu vois. Putain, je suis désolé, Freddy. Là, je sens que tu précises qu'elle était cool et non, tout. Non, je suis gêné de ouf. Non, pour le coup, c'était vraiment quelqu'un d'adorable. Et puis, je savais. C'est comme ça que tu me l'avais raconté en privé. Oui, là, ça fait vraiment faux. Oui, voilà. Mais c'est vrai. Non, c'est vraiment quelqu'un d'adorable et je savais. Je sais que c'était ma mère, donc. Elle l'a très mal vécu, du coup. Ouais. Quelqu'un d'adorable, et je savais qu'elle voulait une trottinette. Ouais. À une époque où c'était moins la mode. À une époque où c'était moins la mode. C'était moins la mode. Non, il n'y avait pas toutes ces limes. Exactement, exactement. Et je me suis dit, est-ce que je lui dirais pas en même temps que je lui offrirais une trottinette? Et du coup. Très bizarre. Du coup, c'est vraiment très bizarre. Je préfère me faire peut-être ghoster. J'ai besoin d'un scooter, tu peux pas. Je préfère peut-être être dans les égouts de Berlin. Et en gros, je pense qu'il y avait un truc de. C'était une manière de lui dire au revoir, mais avec un cadeau. Et du coup, c'est horrible. Je l'ai vu pour la dernière fois repartir en trottinette, à s'éloigner comme ça, et je me disais, c'est beau. Mais t'as vraiment fait une face de daron qui divorce, quoi. C'est terrible. C'est horrible. Elle est partie comme ça, on s'est dit au revoir, elle partait, je l'ai regardé. Mais comme il ça. Avait 14 ans. Mais du coup, le truc, c'est que tu fais plus que ça. La dernière, c'était un jetpack, tu lui as offert. Elle est partie comme ça. Et à chaque fois, il a des belles images montées d'un cran à chaque fois. Il a des superbes images de ses ex à chaque fois. Putain, elle s'éloigne. La meuf, c'est devenu Elon Musk. Il les quitte que à l'aube. Voilà. Tu vois ce moniteur de parapente? Eh ben, va le voir. C'est fini entre nous. On dirait ma mère qui m'a annoncé la mort de mon chien en faisant mon plat préféré. C'est vraiment ça que t'as fait. Avec le chien. T'as fait quoi comme plat? Tiens, des lasagnes. Lucky a avalé une guêpe. Oh non! Du coup, c'est tu l'as mangé? C'est comme ça que ça s'est passé. T'as réussi j'ai à manger? J'ai désorgué le plat, mais évidemment, oui. Évidemment. Et ça a attiré les guêpes, c'était l'été en plus. Oh non, c'est elle! Oh la dureté! Mais c'est vrai que je préfère peut-être le côté. Du coup, c'est horrible! Qu'est-ce qui se passe? Je te quitte! Ah bah ça va, j'ai cru que quelqu'un était mort. Plutôt que. Je te quitte! Tiens, un sneakers! Ça c'est quand même. Juste du coup, Lucky qui portait mal son nom, du coup. C'est vrai. Plutôt unlucky. Bon, il a peut-être eu de la chance avant, tu vois. Ouais, on parlait de Lucky Luke il avant, a pas eu le temps puisqu'il. Ça se trouve, il savait qu'il était allergique aux guêpes, il l'a gobé exprès, il voulait partir. Ah merde, il était tout bébé. Oh non. Ah, il était pas suicidaire. À 9 mois, t'es pas suicidaire. Mais comme je sais parce qu'il a joué au loto avant, il a gagné. Comme je sens que ça vous intéresse, il n'est pas mort d'avoir avalé la guêpe, il est mort de crise cardiaque, d'avoir paniqué, d'avoir avalé la guêpe. Oh non. Moi, je quitte. Non, mais c'est moins horrible, les gars. Préférais quand l'autre baisait sa mère quand même. C'est moins horrible de faire une crise cardiaque que de. Te faire piquer de l'intérieur. Mais quand... il a été paniqué. J'ai fait les deux. Vraiment préféré l'AVC. on l'embrasse. D'ailleurs, ce podcast lui est dédié. On l'embrasse. Ouais, ce podcast lui est dédié. À sa mémoire. Sponsor par Big Flo, mais dédié à Lucky. Un musée un peu particulier a eu lieu à Washington. À votre avis, qui expose-t-il? On est toujours sur le jeu du début. Mais oui. C'est ça qui est devenu génial dans ce podcast. Incroyable. On prend des détours. Incroyable. Putain, c'est les grosses têtes, mais on parle de la vie. Un musée un peu particulier a eu lieu à Washington. À votre avis, qui expose-t-il? Attends, quoi? Une quoi? Oh, bah pas loin, tu regarderas la réponse. Trump! Oh, on s'approche! À ton avis, les cravates de Trump. Non. Est-ce qu'on peut redemander l'intitulé? Bien sûr. Bon, la mémoire, Aurélien. Mais j'ai pas entendu, t'as bafouillé. Écoute, Adrien. Romel, il a bafouillé. Ouais, bah. Le musée. Excuse-moi, mais on comprend pas. Non, c'est vrai, on comprend pas. Excusez-moi, les gars, pardon. Par contre, pourquoi tu m'as montré musée. Bah, si, parce que c'est moi qui remets en arrière. Oui, voilà, t'as le bouton en rembobine. Un musée un peu particulier a ouvert ses portes à Washington. À votre avis, qu'exposait-il? Là, j'ai. On ça parlait a rapport de avec les présidents, avec Trump, avec, ce avec président. Trump, avec Trump. Les cheveux, non, son non. fond de teint, c'est des cotons démaquillants. Des photos enfin, de Trump horribles, non. Les chemises oh, avec moi, le fond de teint, c'est des photos normales. Oh, dans ta tête, Donald, le canard, plutôt le connard, j'ai l'impression. Allez, bim. C'est masque. Les rampes non. à laquelle il s'accroche pour pas tomber. C'est mensonge sur. Bim, Donald. Non, non, je me suis dit peut-être c'est des tableaux comme ça et en fait c'est chaque tableau c'est un mensonge. Ah, est-ce que c'est des peintures? C'est des tableaux, c'est des tableaux, c'est pas des peintures. De lui à poil. Non, c'est pas des tableaux de lui à poil. Attends, c'est des tableaux, des photos? C'est non, c'est des non. montages photos. Non. Moi, je pense que tu mens. Des négatifs? Non, mais vous c'est êtes pas de la peinture. Non, non, mais c'est une expo picturale, dirons-nous. Des dessins? Pictural. Pas des dessins. Attends, c'est pas des dessins, c'est pas de la peinture. Oui. C'est pas des photos. Ouais. Pas des photos. Sculpture. C'est un peu des photos, mais un peu des photos. Ouais. Des photos Insta avec des filtres. On s'approche. Tu vas voir, ça va. Ah, pas son compte Insta. C'est meilleur tweet. Des screens de ses tweets. Les pires tweets, évidemment, de Donald Trump. Ah, j'étais pas loin, j'ai dit c'est mon son. Je suis fort en actu. La dernière fois que je suis venu, j'étais nul, mais là, ça y est. Comme quoi, j'ai lu la presse depuis la dernière fois pour être taquet. C'est vrai qu'il est très fort en actu. Ah ouais. Aurélien, une actu? Le Covid. Ah, c'est dans tout ça, en fait. Ouais, d'accord. Ça sent comme ça. 2020. C'est la pandémie mondiale. Le truc qui fait que la tu portes un masque. La pandémie mondiale. C'est le masque que tu mets, c'est pour ça. Okay. Oui, donc c'est les pires tweets de Trump avec une machine un peu marrante, c'est qui imprime en temps réel les tweets de Trump quand il en sort. Okay. Dans le musée, ça sort en temps réel. Ah, ça, et c'est le Daily Show qui a mis ça en place à Washington, tout simplement. Voilà. Ils sont forts, les Quinry. Allez. Les Amerlocs. Les Quinry, il y a le meilleur et le pire du monde, j'ai l'impression. C'est dans Twitter. Leur pays, bah, c'est comme Twitter. C'est parce que c'est grand, je pense. Oui, du coup, il y a la place de faire des trucs. Il y a à boire et à manger. Il y a des très bonnes connexions internet. Du coup, là-bas, ils ont la fibre 2. Oui, c'est ça, ouais. tu peux très vite uploader tes merdes. Et puis, t'as vu leur truc pour boire des McDo? Ils sont énormes dans leur pays là-bas. Ouais. Voilà. Environ, ouais, c'est vrai. 2 litres. Environ une fois et demi plus gros, environ. À peu près. Là, Freddy, il a arrêté de déconner tout de suite. Non, c'est un sujet qui le. Ah, il y a deux jours, j'ai regardé une vidéo KFC London versus KFC New York. Et c'était une fois et demie. Le taf, ça reprend doucement du coup. Je vais vous dire, il y a 300 grammes de frites dans un menu KFC. Combien de calories? 300 grammes de frites. Combien de calories pour ça? Ah, ça, je sais pas. 300 grammes de frites, ça doit faire dans les. 12 patates. 300 grammes de pommes de terre. 300 calories? Non. Quoi? Ça va pas ou quoi? Un Big Mac, c'est 500 calories. 300 grammes, c'est quoi? Montre-moi avec tes mains, Freddy. Franchement, ça vous embrouillez pas. Montre-moi avec tes mains, mais enlève la merde qu'il y a dedans. De caca. Imagine une assiette, mais pleine, quoi, comme ça. Comme ça, en taille. Là, vous 800. Voyez pas, mais. Ah, c'est beaucoup, 300. On fait un juste price. Moi, je pense que c'est ça. Je pense qu'on est pas moi, loin. Moi, je dis 862 calories. Moi, je dis 863 parce que je choisis le rideau. Moi, je dis. 900? Moi, je dis 1000. On copie un peu dessus, je crois. On aurait dû dire en même temps. Ouais, c'est vrai. 300 grammes de frites. Allez, moi pour contrebalancer, je dis 22. Alors attends. 300 grammes de frites, combien de calories c'est toi, ça? Toi, tu dis combien? 862. Moi, j'ai dit 863, mais j'ai honte. 923. J'ai dit 1000. Bonnement. C'est 600. Alors, si c'est le juste prix, c'est Freddy qui gagne. Oh, le bâtard. Eh bah oui, je l'ai vu la vidéo. Oh, les gars. C'est combien? 936 calories. Oh là là. Je suis chaud. C'est incroyable. Je suis chaud. Le ratio pomme de terre calories, je suis bouillant. Toi, c'est l'actu, toi, c'est les calories. On plagiait les grossettes, maintenant on plagie le juste prix. Je suis trop content. On avance toujours dans la modernité. Une dans famille ce en or, j'espère. Très bien. Sur 100 Français. Catherine Deneuve. C'est la question c'est co. Ça, la réponse. Afin de lutter contre la morosité que peut entraîner la distanciation sociale, bien sûr. Un taxidermiste anglais a inventé une machine, à votre avis, laquelle? À faire bouger les animaux empaillés. C'est incroyable, c'est exactement la réponse. Sérieux? Mais tu l'as sorti. Putain, tu m'as niqué en actu. Il est taxidermiste, ouais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, mais alors plus précisément, est-ce que tu sais comment marche la machine? Comme un animatronique? Comme des ficelles? En écrivant la question, je me suis pas rendu compte que dire taxidermiste, c'est vraiment un très gros indice. Ah, vous, tu savais pas ce que c'était. Complètement taxidermiste. Tu croyais que c'était un buzzer, le gars. Non, je savais, mais je suis débile. Non, est-ce que tu sais comment fonctionne la machine? Ok, je relance le point. Comment marche la machine à votre avis? Avec des ficelles? Non. Avec des ficelles. Ah, déjà c'est un animal précis. Le renard. Chien. Non. Chien. Non. Char. Un barboteur. Le chien de un oiseau. Morgan. Non. Cheval. Le qui. Cheval. On l'embrasse. Cheval. Non. Get petit. Plus petit. Les abeilles. Non, plus gros. Une grenouille. Une grenouille. Souris. Juste pris. Marmotte. Rat. Ah mais où? Ah non. Oh, c'est bah, ma plus grande phobie. Attends, on dit. T'as accepté la phobie des rats? C'est quand même pas pareil. C'est mignon les rats. Pourquoi? Même des souris. Ah oui, mais t'as été en contact ou absolument pas? Alors regarde Ratatouille et Fievel et le Nouveau Monde. J'ai déménagé. Il y avait des souris dans ma poubelle. Petite souris. T'habitais où? Non, et t'as déménagé? Ouais. Mais ça va pas. Bah, j'ai peur. Tu essaies de jeter la poubelle à la poubelle, comment Aurélien? Qu'est-ce que je te dis? C'est vrai. Non, mais ok, d'accord. C'est juste, c'est beaucoup. Il y en a un qui va arriver là. Non, mais bah, c'est la surprise. On plagie l'émission de Bataille et Fontaine. Derrière le rideau, il y a un rat. C'est le rat qui m'a vu me branler à 12 ans. Donc en plus, est-ce que tu veux ouvrir le rideau ou pas? Bah oui. Allez. Non, en fait, c'est une machine qui fait des high five avec des jambes de rat. Ouais, c'est piquelique un peu, wow, Adrien là. Wow, wow, lui, par wow. contre. Faut le virer par mais contre. On l'a... Désolé, là, je crois non. qu'on l'a mérité ce Covid. Wow. Franchement. Mais oui, clairement. Wow. Non, c'est une machine pour... parce que si ça vous manque de faire des high five, là c'est un petit truc qui tourne et qui fait des high five avec des pattes de rat quoi. Mais donc, ils ont des pattes. Enfin, qui est en manque de high five au point de se dire franchement si c'est une patte de rat je prends quoi. Mais surtout qu'ils ont des toutes petites patounes. Bah, enfin, oui. Pourquoi on n'a pas pris un bonobo ou un truc qui a une main un peu. Bah, je crois que tuer des singes pour le truc est plus les rats mal ça vu. Passe encore. Déjà, ouais. On mange bien du Nutella. Bim le Trump. Allez. C'est vrai. Comment vous vivez-vous ce monde distancé, le truc des distanciations et tout ce que vous vivez. Vous êtes allé au cinéma, au théâtre. Ouais, j'ai fait une séance avec le masque en permanence. Moi et aussi. En plus j'avais mis un jean slim. Ça, alors t'es obligé qu'il chaud. T'es obligé de mettre des jeans. Hein, ouais, je sais. Bah, je sais pas depuis le Covid. Oui, hein. J'ai dit en plus alors que c'est tout le monde, je sais. Hein. Les et slims c'était. Faut plus. Non, mais pas slim, mais un peu pour un mec qui a passé l'été en slip ou en short, c'était un jean déjà de base, c'était too much. Plus le masque. Plus, je pense qu'il faisait un peu chaud. T'as allé voir quel film? J'ai vu quoi? Tenet, t'as vu? J'ai vu, non, mais j'aimerais bien y aller avant que tout le monde en parle sur Twitter. Là, maintenant, j'ai compris, on en parle déjà j'ai compris trop. Que tout le monde a dit que c'était incompréhensible. Du coup, je vais y aller en disant, est-ce que je vais comprendre? Alors que moi, je veux pas savoir s'il y a un truc. Et tu viens de le faire à 80 000 personnes. Bien joué. Ouais, mais ça sort la semaine prochaine, tout le monde l'aura déjà vu. Ouais, j'espère. Moi, mais attends, j'ai vu quoi, Flaubert? Aide-moi, je sais pas. Tout simplement noir. Allez, c'est le nouveau jeu. Ça copie sur aucun jeu qui existe déjà. Quel film j'ai vu au cinéma samedi dernier? Tout simplement noir. Non, effacer samedi l'historique. Dernier. Terrible. Effacer l'historique. Ah, putain, bien joué. Tu gagnes. Et bah le film était bien. En enjoliveur. Mais franchement, le film quand même, il faisait chaud. Franchement, okay. Le film, je mets 3 étoiles parce qu'il faisait chaud. Bon, après, ouais. Si, ouais. Mais c'est de la faute à Blanche Gardin d'ailleurs. C'est la cause. Mais les gens le gardaient. Parce que quelqu'un m'a dit. Les gens gardait. Le gardaient. Mais oh. Mais qu'est-ce que quelqu'un m'a dit? J'étais au ciné, j'ai vu un gars derrière moi enlever le masque. J'ai mis obligé, mal un pote crois. À moi, parce qu'il est très sympa. Pour l'instant, c'est moi j'entends. Et il enlevait le masque. Et il disait, ah, j'ai peur, il y a un masque en moins derrière moi et tout ça. Mais moi, tout le monde le gardait parce que j'ai regardé pour me dire, est-ce que j'enlève mon nez. T'es obligé, je crois, maintenant. Bah, je me suis demandé s'il y avait des caméras infrarouges. Et tu sais, s'ils mettent pause pendant le film en mode le gars en bleu. Mais c'est pas ça le problème, Aurélien. Mais il est fou quoi, Aurélien. Il est responsabilisé. C'est pas l'amende qui compte. Je sais. Mais je me suis demandé quand même t'es qu'est-ce qui se passe si quelqu'un Trump, fait pas. Raciste et anti-masque. Putain. Mais là, le truc que les gens savent pas, c'est que j'ai un masque et aucun d'entre vous n'a de masque. C'est donc vrai. Arrêtez un peu. J'en ai 6. Qui dit mieux? Toi aussi, tu les superposes? Bien sûr. Mais du coup, ouais, au cinéma, c'est dur le masque quand même. Mais bon, c'est bien. Mais attention, c'est pas dur. Non, mais moi, j'ai des lunettes, c'est mec. Littéralement, c'est hyper relou avec des lunettes. Personne sait autour déjà, de cette table. Je veux pas c'est le savoir. Relou. Je veux pas le savoir. Non, mais c'est littéralement la situation où c'est le moins pénible, c'est quand t'es assis à rien faire. Au cinéma, ça pas va. Quand t'as des lunettes. Au cinéma, ça oui, va. Et que t'as chaud. T'as tout le temps des lunettes. J'irai en slip la prochaine fois et je mettrai des lentilles et tout ira bien. Il y a la clim au cinéma ou ils ont coupé la clim? Pas samedi après-midi à Châtelet-Léal pour aller voir qu'est-ce que j'ai vu déjà. Effacer l'historique. Voilà. Je suis son assistante personnelle. Quand le masque est sous les lunettes, ça fait de la buée, c'est ça? Mais c'est horrible. Quand il faut bien pincer le nez. Mais alors attends. Répondez-moi, vous n'avez pas répondu. Ça fait de la buée, c'est ça? Mais tu peux le plier un peu, etc. Mais c'est complexe. Masque en tissu, masque en c'est pas de l'origami, moi. Mais c'est complexe la vie en fait. Tu vois que tout va te tomber comme ça, tout rôti dans le bec. C'est complexe d'avoir t'avais le Covid. Un masque en tissu ou un masque chirurgical? J'avais un masque en Monoprix. J'avais un masque de carnaval. Non, honnêtement, les chirurgicaux sont. Il y a moins de buée que Monoprix. Non, en fait, tu respires mieux. Je voulais avoir du style et je vais repasser à moins de buée. Moi, j'ai pris des chirurgicaux aussi et des fois, j'ai des lunettes, comme tu le sais, car je porte des lentilles actuellement et ça ne fait pas la buée. Enfin, ça épouse vraiment les contours. Ça fait 10 jours que j'ai mon Monoprix et je peux te dire que de la buée, j'en ai eu tout l'été. Oui, mais des Monoprix. Oui, c'est non, non, non, ça fait que 10 jours que j'ai des Monoprix. Attention! J'avais du chirurgical, j'avais une boîte de 50. T'es ivre mort. Que tu pouvais pincer sur ton arête nasale? Non mais bon bref. Mais c'est vrai que ça, le c'est film vrai, était bien. Ah, il veut pas. Les basketons. Le film était bien. Blanche Gardin est quand même. Elle tient le perso tout le long. Bah oui, bien sûr. Ouais, c'est comme la base qu'on demande à une actrice quoi. Alors bon, au milieu du film, elle a changé le perso. Son perso est atypique. À un moment, elle a regardé la cam. Alors ça, bon, très bizarre quand même d'avoir lâché le perso. Elle s'est assise au plein milieu d'une scène, alors que c'était pas dans le scénar. Elle a dit à la cam, je suis mort. Je me pose. J'arrête. Non, mais par exemple, le fait de pas se toucher, pas se faire la bise, machin et tout. Il y a des gens qui préfèrent. Moi je j'adore. Ouais, alors, moi j'étais au cinéma. Morgane? Mais moi, autant j'aime pas faire la bise, donc ça me dérange pas du tout qu'on la fasse plus. Mais le contact humain commence. Ouais, ça commence un peu. Moi, je suis une. Je sais pas. Kevin Hunt. J'ai pas compris. Non, j'ai vraiment, j'ai pas entendu. Ken. Ken. Ah non. Ken Adams. Après, tu veux Ken, Kev Adams. Ken Adams. Ça te regarde. Qui ici a Ken, Kev Adams? Moi. On est deux. Non, mais moi, je suis un gros nounours. J'aime bien les câlins. Et... C'est à cause de toi le Covid, c'est ça, en fait. Mais je dors en spooning, moi, avec mes copines, en fait. Donc, j'ai. Ça ouais, me. Ouais, vraiment. Et tu sais que j'ai observé, je sais plus à qui je disais ça, mais j'ai. Bah, Kev Adams. Mais j'ai... c'est faux. J'ai observé que depuis les 3 mois de Covid, je dors de plus en plus recroquevillée sur moi-même. Vraiment comme un bébé qu'on n'a pas pris dans ses bras. Oh. Et qu'on a avalé une guêpe. Ça et ça et le qui, ouais. En mangeant ouais. de la merde. Non, mais ouais, moi ça me manque un peu de. Tu vois, maintenant, ça vous fait pas quand vous regardez des films qui ont été tournés avant, si, quand si, les gens sûr, se prennent ouais. dans leurs bras, tu dis ah, oh, ce truc de ouf. Je me rappelle. Et maintenant que je le note, ça me fait un peu bugger ouais. de voir les gens se faire la bise dans les ouais, bras. Ah, ouais, bah c'est ouais, marrant. Ouais, les gens disent ça, je m'en rends pas compte, moi. Moi ouais, ça me l'a fait, ça me le fait moi, ça me l'a fait. Ça me l'a fait. Tu vis comme avant, toi. C'est moi, ça l'a pas. Enfermé chez lui. Je touche, je mets les doigts dans la bouche des gens. Ouais, mais tu vois, j'ai envie d'une soirée où on filme sur les mêmes clubs ou tu vas partager. Ça me manque un peu. C'est chiant. Ouais. Ouais, ouais, bah ouais. Mais... Ah, je t'avoue que ouais. Mais la vie est chiante. Non, non, mais. Non, mais moi, tu vois, bizarrement, pas du tout. Enfin, même quand je regarde un film, je me dis pas, ah putain, ils se touchent, ils font des trucs. Ouais. Je sais pas, ça me manque pas du tout, quoi. Moi, j'aime vraiment pas. Alors, surtout, j'ai fait une soirée. Bon, déjà, j'ai fait une soirée, ce qui était dangereux. Mais où je connaissais pas tout le monde. Et le fait de pas avoir à dire bonjour, c'est beaucoup mieux parce que tu n'as pas à ce moment nul à devoir te présenter à des gens que tu connais pas trop. Ouais. Est-ce que je sers la main? Est-ce que je fais non, la bise? Là-dessus, je suis. D'accord, mais avec les gens qui te sont proches et tes potes que t'aimerais toucher ou... Mon pote le plus proche, c'est Adrien. Donc autant te dire qu'on ouais, se touche peu. Ouais. Ah, vous êtes vraiment potes et tout? Ouais, ouais, ouais. Okay, ah, je pensais que c'était pour le buzz. Moi, je dis ah, mais ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. Ah non, je te jure, non. Vous le dites pas assez, dites le plus. C'est vrai, connaît, c'est vrai. À chaque fin d'émission, on est vraiment potes et tout. Attention, Adrien, quelle est la couleur préférée de Flaubert? C'est le rose. Quel est le prénom de son père? Facile. Fabien. Grave, pas du tout. Flaubert, quel est le plat préféré c'est d'Adrien? C'est quoi? Pff, alors là, vegan, bien sûr. Les sandwichs. Toi, Freddy, le monde distancié? Ça n'a rien changé à toi, ma t'as fait vie. Un bon petit buzz, hein, j'ai l'impression, de ce confinement. Pour moi, t'as créé le Covid pour faire un buzz. Avec ta chanson. Ah, tu veux dire par rapport à la chanson, d'accord. Par rapport au promeneur. Par rapport au... Oh, écoute, tu sais, c'est tellement chez un tube toi, que tu dis un gros, bout du titre et qu'on sait de quoi tu parles. Tu vois. Car c'est vive les promeneurs. C'est vive les promeneurs. C'est comme ouais, quand non, on dit non, la Macarena, pas, c'est pas le vrai titre. C'est quoi le vrai titre? C'est à la Tecoué, pas l'Aiglia Macarena. À la Tecoué. À la Tecoué, à pas l'Aiglia, il a dit. J'ai fait allemand, j'ai fait allemand. T'aurais pas niqué une colombienne? C'était mon move. Je suis arrivé, j'ai fait. Hey! À la Tecoué, pas l'Aiglia Macarena. À la Tecoué, à pas l'Aiglia. Elle a répondu, il y a beaucoup de noirs. C'est pas un noir qu'on a dit, qui connaîtrait le titre. On dirait vraiment Mimisicu. Oh non! Il y a que les persos d'Avatar qui ont compris ce qu'il a dit. À la Tecoué, à pas l'Aiglia Macarena. J'ai fait allemand première langue. Ah là, t'es c'est quoi fou. C'est fou ce choix. C'est pas mon choix, hein, c'est mes parents. C'est pour ça que j'ai jamais fait l'émission. Tes parents ont choisi ta langue vivante? Ouais, parce que c'était pour être c'est, dans des c'est meilleures. C'est bien places. D'être une victime. Ouais, c'est une espèce de victime que t'as eu. J'avais 10 ans, hein, les gars. Mais tu parles pas du non, tout allemand. Non, en non, plus. Non. Ich bin wütend. Juste quoi? Ça veut dire je suis furieux. Ta deuxième langue à 10 ans? D'où? Ma première langue, frère. J'ai fait allemand première langue. LV1, c'est 12 ans. Bah en 6ème moi je suis de fin d'année moi. Ouais ouais bon, bon t'es un menteur. Quand la décision avait été prise. T'avais 13 ans, 13-14 ans. C'était hier. Tu veux dire à l'époque où t'étais à mi-temps, mi-travail, mi-école et que t'étais, c'est là que t'as choisi ouais. ta première langue. Ouais, je travaillais au KFC de Longjumeau. J'ai très peur doublé. Donc vive les promeneurs, c'est toi qui l'as inventé. qu'est-ce qui se passe? Bon c'est la rentrée hein. Tu vois de quoi on parle, c'est une chanson qu'il a fait confinement. Okay. Il a fait un énorme buzz. Combien de SACEM le chiffre? Écoute, en SACEM, je sais pas. Non, non, mais c'était cool, ça m'a permis de. Tu sais, c'est quand en fait tu galères chez. En fait, c'était ça. Juste, je tournais chez moi en rond et quand je tourne en rond, qu'est-ce que je fais? Bon, ah bah, j'ai un ordinateur, j'ai des micros, j'ai des caméras. Tu danses plein de merde. Je danse. Des top lines. T'as fait des petites top lines, ouais. Des petites top lines, écoute, attends, j'ai peut-être une petite top line hein, dans mon téléphone. Top line, est-ce qu'on peut dire ce qu'est une top line? Moi j'ai découvert ce qu'était une top line récemment. Je savais pas du tout ce que c'était. Bah c'est genre c'est une mélodie de la voix. Genre, il y a vraiment, on m'a fait écouter un portable de quelqu'un qui fait de la musique. Ça? Oh, t'en as, putain. Et c'est genre, Ils font juste des du yaourt. Un peu comme les gens qui font du jazz, non? Oui, mais c'est, en gros, c'est les top liners, c'est pour le rappeur qui va interpréter, c'est eux qui trouvent la mélodie d'accord. qu'ils vont chanter. C'est pas les rappeurs. Et après, les rappeurs posent les paroles dessus. Ah, et Freddy est très fort. Mais des fois, ils le font eux-mêmes. C'est oui, des fois, ils le font eux-mêmes. Non, mais je dis les top liners, quand il y a un top liner, c'est... Des fois, même les rappeurs eux-mêmes et les chanteurs eux-mêmes font leur top line. Noto le rappeur, je vous le rappelle. Noto le rappeur. Bien sûr, Big Flo. Big Flo. Oui, non, ça n'a rien changé pour moi. Je suis sorti en 2 semaines une fois, un moment, vraiment. Et ah ouais. Et en fait, le truc pendant le confinement. Le truc est pendant le confinement. Ça a duré 2 mois le confinement, Freddy. Pendant le confinement. Pendant 2 semaines, moi, ça a été. Quasiment. Après, je suis sorti. Après 2 semaines, j'ai fait plein de trucs. Mais mec, y a que toi, par contre. C'était tranquille. Non, mais, le truc est dramatique, c'est vraiment que je peux rester une semaine chez moi entière. Tu vois, du vendredi au vendredi, et me dire, on est vendredi, et je m'en rends vraiment pas compte. Et tu regardes l'émission d'Arthur à chaque fois. Tu dis, putain, on est vendredi. Ah bah cool, tout est permis. C'est vrai, failli rater l'émission d'Arthur. Tout est permis. Ça va, ça va. Ça file. À peine j'ai vu Drucker qu'il y a déjà. Il y a déjà Arthur. Ça passe encore. C'est vraiment mes grands-parents. Parle comme ça, c'est à dire que je pense que chaque journée, enfin mes grands-parents, c'est un présentateur, peu qui reste, hein. Mais oui, c'est un présentateur qui passe à la télé. C'est genre, mais non, mais là il y avait Reichmann, De Chavannes, mais mes grands-parents ne baissent pas le son de la télé quand ils répondent au téléphone. Ah ouais, ouais, on a tous cru, ne baissent pas. Non, ils regardent la télé tout le temps, ils baissent pas, mes grands-parents. 80 ans, les mecs, ils sont devant le poste, ils pourraient c'est triste, ça, c'est clair. Sucez-vous un peu, là. C'est si intrusif. C'est Noël, c'est si intrusif. Ils répondaient pas au téléphone, sucez-vous. Non, ils laissent la télé au même niveau que leur voix. Bon, bref, je voulais en parler. Ils écoutent sûrement les grands-parents, quoi. Ouais. Ouais. Moi, la mienne, elle fait du longboard. Tu crois la villette, non, pas du tout. Elle regarde la télé tout ce qu'on elle regarde la télé trop fort, moi, évidemment. La mienne, elle est en tendance YouTube. Ah ouais, quand même. Trop fort aussi. C'est tout le monde trop fort. Ouais, ouais. Incroyable. Covid-19, toujours. Les autorités canadiennes ont encouragé une pratique sexuelle assez particulière, à votre avis. Laquelle? Bah, baiser avec des masques. Oh, il y a beaucoup de baises. Hein. Ça en fait partie, mais c'était pas celle-là. Bah, le par Skype. Baiser par Skype. Non, pas par sexto. Non. C'est lié au sexe? Par mini SMS. Oui. Vu que c'est une pratique c'est sexuelle. C'est rarement pas lié au sexe. Bah, hein. Par derrière. Enfin, genre, tu peux redire l'intitulaire? Covid-19 toujours, les autorités canadiennes ont encouragé une pratique sexuelle assez particulière. Bah, les trucs SM où t'as une boule dans la bouche levrette, pour pas que ça sorte. La sodomie. La... Ah oui, je viens de le dire. Par derrière. Le soleil levant. Non, là. Je viens de le dire. Oui, non, c'est pas ça, mais j'ai jamais que tu me fasses des gestes pour m'expliquer oui. ce qu'est la levrette. Bah, le glory hall. Vraiment une très faible estime de la capacité raison. Sexuelle. Glory hall. Je me branle plus dans des cabanes, Morgane. Je sais ce que sont des levrettes. Non, une glory hall est la bonne réponse. Oh, glory hall. Non, mais. Ils invitent à. Quel pays? Quel pays? Le Canada. Le Canada. J'y vais, je fonce. Ils disent, n'hésitez pas à reprendre les glory hall. Non, mais c'est faux. Ça fait plaisir. Ça, c'est faux pour moi. Non, je te dis, c'est vrai. Parce que je sais qu'il y a un état jamais américain. Jamais les autorités, quoi. Écoute-moi bien. N'importe quoi. Bah, je sais qu'il y a un état américain qui incitait à pratiquer la levrette davantage. Vraiment. Non, à New York et tout. Ça, d'accord, mais les glory hall. Écoute, c'est incroyable, j'ai déjà fait. Faites-vous chier dans la bouche, hein. Ça ne se transmet pas par les excréments. Donc, c'est vraiment pisser aussi littéralement dans les yeux des gens, quoi. Ça dit pas. Dans les égouts de Berlin. Peut-être ça dit pas d'aller dans les glory hall des chiottes d'une aire d'autoroute entre Quimper genre, et. Ils disent, faites un glory hall chez vous. Construis un mur chez toi pendant le confinement. Sur ton palier, quoi. Tu fais un petit trou de perceuse. Non, je. C'est mais dans un plexi, un petit plexi, tu te vois à travers, tu vois. Si t'habites au rez-de-chaussée, tu. Hop, la fenêtre. Les entreprises de plexi, d'ailleurs, ça a dû remonter. Ils ont dû arrêter. Je pense que c'est faux. Ah, je te dis, écoute, c'est les autorités canadiennes. Non, mais oui, mais moi, c'est la source qui m'intéresse. 7sur7.be, actualité insolite. Bah, excuse-moi, mon pote. J'y crois pas, une histoire abracadabrantesque, alors qui date un peu, mais je suis tombé dessus grâce à David Mourier. Un Coréen a porté plainte contre sa femme car leur bébé était moche et il a gagné. Contre sa femme, il a gagné. À votre avis, comment il a fait pour gagner? C'était il y a longtemps? Il y a quelques années. Il a 2014, prouvé que l'enfant ressemblait à Kim Jong-un. Non. C'est une bonne. Deux pays. Ouais, deux pays. Ouais. Mais moi j'ai fait plus vieux parce que t'as dit c'est il y a longtemps. Après moi il est coréen donc c'était plus logique. Eh vous battez pas là. C'est moins vieux. Putain. Ouais, alors toi t'es raciste aussi. Ça me fait penser à l'émission Drôle de blague avec Vincent Lagaffe. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Bien sûr que c'était non. Des humoristes qui faisaient des battles de raconter des blagues. Non. Ah. Mais Laura Lappel de Vincent Lagaffe, vous vous rappelez? C'était super. Ouais, c'était bien. Vous vous rappelez de Vincent Lagaffe? Oh, bon gars. Tu sais, on en parle souvent. Bah méga gaffe et tout. Méga gaffe, on en parle souvent. T'inquiète. Non, là vraiment il a porté plainte contre sa femme parce que le bébé était moche. Donc elle lui a acheté de l'acide sur le bébé, non, la femme non, peut-être. Non, c'est pas ça. Il a dû du coup prouver la laideur du. L'avancée, l'étendue de la laideur du bébé, quoi. Alors ça déjà, mais il a dû surtout prouver comment c'était la faute de sa femme. Bah, c'est ça qu'elle a bu. Ah bah il a montré des photos de sa femme enfant. Regarde, ça ressemble à ma femme, il a non, dit. Non. Il était un peu gêné en non, disant non, ouais, non, ma femme non. est éclatée. Je vais vous donner même un indice. Oh mon chat. Il a dit. Au début, il disait, mais tu m'as trompé. Il a fait le test ADN. L'enfant ressemble à Donald Trump. Non. Et il a fait un test ADN. Et non, c'est bien son fils. Elle a fait de la chirurgie esthétique. Elle était, il a montré qu'elle était moche. Ah, avant. Okay. Exactement. Incroyable. Ah, oui, exactement. Elle a subi de nombreuses opérations de chirurgie esthétique avant de le rencontrer. Ce sujet n'avait jamais été abordé avant et pendant leur mariage. Ce sont des. Ça lui a coûté 77 000 euros de chirurgie esthétique. De quoi refaire, donc, de refaire son âge. Je que c'était ce qu'elle avait même... payé au procès, la meuf. Non, au procès. De quoi refaire, non, non, non. De quoi refaire de la chirurgie esthétique sur le bébé, tu sais. Au procès, elle a dû dépenser 92 500 euros de dommages et intérêts envers le gars. C'est odieux qu'il ait gagné, en fait. Oui, bah voilà. Non, mais déjà, quand quelqu'un veut porter plainte, est-ce qu'on peut lui dire bon, écoute, non. Ou alors, est-ce que t'es obligé de donner suite? Parce que une plainte comme ça, le mec il dit je voudrais porter plainte parce que mon bébé est moche. Il y a pas quelqu'un qui peut lui dire oh, mec, arrête, dégage. Mais c'est surtout qu'il a pas été super patient parce qu'il y a plein de bébés moches qui deviennent très beaux humains. Mais du coup, s'il devient beau, la elle femme peut tirer son épingle du jeu. Ah, attendons donc. Patience. Et lui considérait qu'il était beau gosse, ça veut dire. C'est ça. Il s'agit du flow de cast. Bah écoutez, voilà, c'est la fin de cette première partie. Alors j'ai des questions pour vous, car j'ai dit aux auditeurs que vous étiez invités, ils débordent de questions à vous poser. Morgane, j'ai adoré ton épisode des gens qui doutent. C'est vrai, j'ai des questions. Mais bien sûr, t'as des questions. Enfin, ça va pas le tout gêné. C'est quoi cette réaction? J'ai adoré ton épisode des gens qui doutent avec Fanny Ruet. Et d'ailleurs, je vous invite à écouter les gens qui doutent. Il y en a un avec toi, Morgane. Il y en a un avec Adrien. Oui. Il y en a un avec moi. Et il y en a avec Kian. Il y a plein de gens super. Vous doutez. Et la question était, quel jour de la semaine avez-vous enregistré cette émission? Aurélien, c'était un mardi. C'est pour ça que vous étiez une petite énergie. Non, c'était un lundi, excuse-moi. On sentait la dépression, mais l'énergie. Tu l'as écouté? Pas du tout. Tu disais que tu voyais le stand-up plus comme un travail que comme la passion d'une vie. Est-ce que ça voudrait dire que tu serais prête à tout plaquer si le métier te fatiguait ou t'amusait un peu moins? Ouais. Mais tu le dis pas dans l'épisode, ouais. Si. Tu dis littéralement ça. Non, mais ceci dit, pour la défense de la personne, pas, si ça m'amuse un peu moins, non, faut pas exagérer parce que je bosse beaucoup pour arriver à faire des choses. Donc ça va m'amuser un peu moins forcément. Et il y a déjà des jours où ça m'amuse un peu moins parce que je. Et tu vas pas bosser. Et du coup, je plante tout le monde. Non, mais j'ai une vraie capacité à rien faire. Ça me dérange pas de pas travailler. Moi, les gens qui disent si je gagne 10 millions au loto, ah non, j'ai besoin de bosser. Non. Ouais. Vraiment, je peux ne rien foutre. Okay. Mais en fait, je trouve qu'il y a rien de plus triste qu'un humoriste qui a plus envie de faire de l'humour. Ouais. C'est sinistre. Et ça se voit, je trouve un peu. Ça se voit. Ouais. Et que moi, en fait, ce qui. Non, mais ce qui fait que je me prends pas trop la tête avec tout ça, c'est que j'essaye d'avancer avec l'idée qu'il y a 150 vies possibles et que là c'en est une et que si c'est pas ça, enfin je prends toujours le même exemple, mais vivre sur un voilier, mais ça sera génial et ça m'ira tellement. Les gens ils disent souvent dans une montagne élever des chèvres en général. Ça non, ouais, moi je suis plus côté mer, sable, voilier, Caraïbes, mais enfin je sais pas, monter un bar au bord de la plage et je sais que ça sera très cool et du coup pas de regret parce qu'en plus là comme j'explore bien le stand-up et que j'arrive à faire des choses et que ça marche un peu, le jour où ça marche plus ou ça me gonfle ou je me lève avec la boule au ventre parce que j'ai plus envie, je me suis dit, oh, ok c'est cool, j'ai exploré plein de trucs, viens on va avoir vie numéro 2. Et si c'est pas indiscret, voilà. Est-ce que avant t'as exploré d'autres choses? Ou est-ce que t'as déjà fait un peu ce changement de vie entre guillemets de ouais, ah, ça me plaît eu, plus oui et... j'ai eu la conversion, en fait j'ai fait de la publicité, moi j'ai un master de rédac. D'accord. En pub, mais j'ai pas poussé le boulot au point, j'ai fait mes stages de fin d'études, j'ai dû faire un peu de freelance. Si Juva bien c'est Juva mine, c'est toi. C'est faux, c'est mon oncle. Quand c'est trop, oui, c'est trop vrai, piquant. Oui. C'est vrai, c'est mon vrai oncle, c'est fou. Oui. Incroyable. C'est pour ça qu'il a un pantalon en or. Mais je croyais que c'était Fogiel. Non. Tu vas bien, je vais bien. Ah non, mais c'est Ardisson, la paire, il n'y en a pas de Ardisson. Ardisson, ouais. Oui, exactement. Fogiel est l'oncle d'Adrien. C'est la différence. Mais du coup, non, ouais, c'est un taf. Après, c'est un taf qui est trop cool et dans lequel j'ai plein de potes et dans lequel j'ai pas l'impression d'aller au taf. Mmh. Mais si un jour j'aurais l'impression d'aller au taf alors que je fais ça, je me dirais, bah viens, on va faire des cocktails. Mais dans le podcast, tu parles du stand-up, mais par exemple, la chronique. Qui est quand même beaucoup plus. Enfin, c'est quotidien. Ça, c'est plus du taf. Ouais, c'est ça. C'est du. Puis t'en fais quand même beaucoup, surtout. Bah, 5 par semaine. 5 par semaine, ouais. C'est énorme, avec, selon l'invité et tout. Bah, là, j'ai envie de te dire que c'est chambé parce que j'ai commencé il y a 10 jours. Ouais. Reparlons-en en février. C'est quand même énormément. Non, mais quand il m'a proposé, j'étais trop contente, mais j'ai vu le building de taf arriver devant ma gueule. Et je me suis dit, ouais, il va falloir produire énormément de choses. Donc, je pense qu'au bout d'un moment, c'est obligé que ça te fasse un petit peu moins kiffer. Ouais. Là, je suis encore dans le kiff. Moi, j'ai été hôtesse d'accueil chez Radio France pendant des années. Donc, là, juste monter. Ouais, ouais. À avoir le... C'est un petit kiff de tous les matins, c'est ma petite revanche sur moi-même, tu vois. Mais forcément, dans 6 mois, j'aurai des trous, hein, et je vais pas réussir à... et je vais pas réussir à écrire, et je me dirais, bah là, c'est un peu plus laborieux. Mais encore une fois, enfin, honnêtement, on n'opère pas des enfants à cœur ouvert, on fait pas développer, enfin, on fait pas décoller des fusées. Faut prendre quand même un petit peu de recul avec tout ça. Ça reste des métiers artistiques, donc ça prend la tête. C'est chiant parce que parfois t'arrives pas ou que t'es pas inspiré. Mais il y a pas mort d'homme. Ouais, je suis d'accord. Enfin, c'est peut-être c'est peut-être vraiment un c'est un vieux discours de personne qui a bourlingué, genre, ou qui allait à trop d'enterrements. Rappelons mais... que t'as retroussé tes manches quand même en nous. Exactement. Enfin, non mais tu vois, c'est un peu un discours de quelqu'un qui. Non qui non a... mais c'est marrant qu'on voilà, parle parce mais... que nous on est les premiers à dire oh là là c'est du taf, ça prend la tête et tout, mais c'est vrai que moi je te rejoins. J'ai jamais dit ça, moi. Toi, c'est vrai que tu l'as jamais dit. C'est le seul. Hein. Après, j'essaye d'avoir cette philosophie. Je ne dis pas que j'y arrive tous les jours et que, c'est ça. Et c'est que ça. Dans 10 ans, je vais penser pareil. Mais j'essaye vraiment de me cadrer à ça pour me sauver parce que justement, je suis super angoissée et je suis quelqu'un qui se fait déborder très vite et qui se noie très vite. Donc, si je me lève pas le matin avec cette idée dans la tête, ah mais en une semaine, je burn out. Enfin, là, lundi prochain, j'arrête. C'est fini. Mais c'est ça que je trouve bien, c'est que c'est une façon de. Et tout le monde de prendre ta place. Oh, vous l'avez bien sûr, Nagui. Vous n'avez pas encore expliqué de vanne dans cette émission, ça m'a même manqué. Après, si tu te noies très vite, pardon, mais t'as dit tout à l'heure la deuxième vie, c'est un voilier. Vous l'avez ouais, bon. Bah écoutez, vous êtes magnifique. Et quand t'as dit on n'opère pas des enfants à cœur ouvert, j'ai cherché une vanne sur ton chien mort, j'ai pas trouvé. On n'opère pas des cavaliers King Charles. Non, ça ne marche pas. Ouais, c'était pas marrant. L'honnêteté en radio de dire j'ai pas trouvé de vanne, j'aime bien ce concept. Là, j'ai pas trouvé de vanne. Non, mais parce que je trouve que c'est une bonne façon de penser, effectivement, pour pas se. Moi, quand j'étais jeune, j'aurais aimé aussi entendre ce discours-là, mine de rien, parce que. Alors après, je dis ça, ça m'a plutôt bien réussi, mais il y a plein de gens à qui ça réussit pas de se tuer à ça et d'y consacrer sa vie et d'avoir des déceptions. Non, bah il a eu une carrière de ouf, foiré. Tu rigoles, il regarde des vidéos sur les nuggets et les frites. Et à côté de ça, il est disque d'or, donc ça va. Mais non, mais il y a des gens qui se lancent à cœur perdu. Tu sais, quand on parle des reconversions professionnelles, on parle toujours de ah, je suis vachement mieux maintenant, je me faisais chier dans mon open space, maintenant je suis. Ouais. On parle pas de tous les gens qui regrettent amèrement. parce qu'ils gagnent pas leur vie et qu'ils ont fait le mauvais choix et qu'ils ont parfois même, pas le talent c'est clair. Même l'inverse, genre Rick Moranis par exemple de Chéri Gérard Tracy-Egos qui était acteur et qui a tout arrêté parce que du jour au lendemain parce qu'il a dit oh non bah en fait ça me saoule. tu peux dire, lui il revient après mais le gars il a peut-être dit, ça me fait chier parce que c'est pas parce que je fais ça que c'est forcément puis il y a des gens qui montent un peu et qui se rendent compte que la notoriété non quoi. Freddy, trouves-tu que la musique est une façon de véhiculer de la comédie plus efficace que le sketch? Oui. À quand un album à la Fatal Bazooka? Tout à fait. Deux questions très différentes qui se suivent, mais parce que c'est vrai que tes gros succès sont des chansons, j'ai l'impression. Tes plus gros succès. Avec Aurélien dans Multiprise, c'est vrai que je me suis rendu compte, mais tardivement, que dans la comédie, on mettait pas mal de musique, un peu de chansons, tu vois. Et c'est des trucs tout bêtes, mais je m'en rendais pas compte de ce truc-là. Pour la petite anecdote, c'est Anis qui le chauffait, qui disait mais mec, chante et tout machin. Ouais. Ouais, exactement. Ouais, c'est vrai que c'est Anis. Et du coup, est-ce que c'est plus efficace? Non. Tu trouves pas ça plus efficace? Je trouve pas ça plus efficace, sinon je regarderais que des comédies musicales. Mais et encore que. C'est vrai. Alors, tu regardes des vidéos sur les Nuggets. Je regarde des vidéos sur les Nuggets. Les Nuggets, c'est un aussi bon moyen de passer des émotions. C'est très très bien. Mais non, pas plus efficace, mais en tout cas, c'est intéressant parce que du coup, ça me permet de pouvoir faire les deux. Ça m'amuse. En fait, c'est juste ça m'amuse. Donc, tu sais, je réfléchis pas. Je suis là, je réfléchis pas. T'es un kiffer. Tu peux chanter un truc là? Kiffer, arrête de kiffer. Kiffer Sutherland. Là, j'aime bien l'idée de pouvoir faire les deux, tu vois. Par exemple, il y a un artiste que j'aime beaucoup. Après, j'ai toujours ma limite avec les Américains parce que je comprends pas ce qu'ils disent. Donc c'est quand même vachement compliqué en vrai déjà. Mais qui s'appelle Bo Burnham et qui a un spectacle et qui peut faire du son. Sirène. Ce que tu dis est interdit. Ouais. Ça c'était sa dernière chanson. Un extrait. La sirène. Ah mais parce qu'il y a un gars qui est en train de chier à deux rues d'ici. Mais enfin, c'est pas... On enregistre depuis Berlin. Pour moi, c'est Darmanin. C'est Darmanin qui mange sa merde, tu m'entends? Ça a été très... Eh, Darmanin, quand même. Mais si quelqu'un doit sauter, c'est... On est dans un cauchemar ou quoi? Non, mais c'est vrai. Ça serait ouf que le mec qui se macule de merde soit Tège et pas Darmanin. Puis voilà, je vous ai pas le dire tout à l'heure parce que j'avais peur de corcher son nom. Pour être honnête, j'ai pas vraiment. Alors qu'il macule de merde la République. C'est ça. Trump. Trump. Macron démission. Ah. Ça, c'est vraiment une rêve de Skyrock. Il y a 15 ans. Fois que vous l'avez entendu. Star. C'était sur Floodcast. T'entends pas ou quoi? Ah, c'est Benji. Ah, c'est pas du tout comme ça qu'il fait. Benji. Ah, c'est Benji, man. Alors que c'est un jingle lancé par Flaubert qui vient de... C'est littéralement Benji. Le chien est vivant. Ainsi que ma mère. Il a 19 ans. Il a jamais avalé de guêpe. C'était juste pour moi. Je voulais faire l'intéressant. Ah merde, le moment le plus drôle est tout à l'heure. C'est ça qui se passe. J'arriverai à le monter. J'arriverai à le monter. Ah putain. Il y aura des bips et en même temps, j'arriverai à le monter. Donc, oui, alors la musique. Ça oui, te fait... Après, musique. Je dis ça, Mirador, en même temps, il n'y a pas tant de comédie. Il y a une ou deux blagues, mais c'est assez. Ouais, non, y a, en vrai, il n'y a pas tant de blagues que ça. C'est plus le défi. Ouais. C'était le défi de faire le son de l'été. Mais sinon, ouais, là, ouais, j'adore l'idée que, qu'il puisse avoir les deux, mais c'est pas plus efficace en faisant des chansons. Et toi, ça t'amuse autant? Ouais, ça m'amuse, hein, ouais. Vraiment. Ouais. Mais il faut pas qu'ils se disent. Faut pas qu'ils se disent ça va tout péter. Faut qu'ils se disent je le fais pour me rigoler. Ah bah oui, non, j'ai, ah ouais, c'est, je moi, connais la bestio. Bah, oui, de base, faut pas se mettre de pression. Donc, j'aime l'idée de pouvoir faire des sons pour m'amuser. Et on verra ce que ça donne. Un album, je pense que c'est trop tôt, quoi qu'il en soit. Et puis Fatal Bazooka, en fait, j'ai pas envie de rentrer, même si Fatal Bazooka c'était très bien parce qu'on l'oublie. Quand je dis très bien, c'est qu'à l'époque, c'était franchement au niveau des codes, ils étaient vraiment, ils étaient vraiment bons, etc. Alors évidemment, les Gérard rappeurs, pris des rappeurs, ouais. Gérard Bast qui a écrit, on sait ce qu'on disait dans le, Gérard Bast, il a quasiment écrit, enfin il a coécrit l'album en gros. Ouais. Et c'est un gars qui taffe avec. C'est Zwinkel, c'est un rappeur. Ok. Mais Youn, c'est toujours entouré de, même le Frunk de Alphonse Brown, c'était composé par Lord, pas Lord Co-City, Faflarage, exactement. Ouais. Et Teufa aussi, qui bossait beaucoup. Le son avec qui elle est super. Oui, ouais, c'est ça. Et après, c'était même plus des parodies, c'était juste des sons bien. C'est ça qui est bien. Au début, c'est des parodies, puis à un moment, c'est des vrais sons. En fait, la parodie, c'est pas vraiment une parodie, il reprend pas des chansons. Honnêtement, en soirée, moi je danse sur de la merde au second degré, c'est pas beaucoup pire. Mais c'est vrai que Futa Kagoul, c'est pas une parodie, mais les parodies, c'est juste Vita et. Oui, c'est ça. Et Sean Paul. C'est une parodie du genre. Oui, voilà, c'est ça. Mais je pense que c'est aussi le truc, c'est que Michael Youn, il aimait ça, il écoutait vraiment du rap. Donc c'est oui, aussi, ça partait pas d'une. C'est ça. C'est pas comme si Laurent Gérard faisait un album. C'est ça, de et il racontait rap, qu'ils ont essayé de faire un deuxième album plus tard et qu'il s'est dit, mais en fait, je suis vieux, je connais plus, c'est fini quoi. Oui, dans l'interview de Combini qui est très bien. Il raconte l'histoire de Fatal Bazooka où il voulait le refaire et qu'il se rendait compte qu'il était un peu dépassé. Mais toi, c'est vrai que c'est pas de la parodie, toi. Tu fais du son qui est dans l'air, dans les codes du temps. Mais c'est très fort en top line, très fort. Il y a un vrai truc, c'est marrant, mais en même temps, t'as envie de chanter le truc. Ça part d'un endroit de sincérité que toi t'aimes vraiment ce genre de musique là quoi. Oui, bien sûr. J'adore la chanter quoi. Tu sais, c'est pour le coup tu vois, j'en écoute beaucoup, mais tu vois, à l'époque, Fatal Bazooka par exemple, il était détesté des rappeurs, mais vraiment, c'est à dire qu'il le détestait parce que le rap était pas aussi populaire que maintenant, et du coup il y avait quelqu'un qui le parodiait alors que le rap avait même pas encore vraiment de succès. Genre, regardez comment ils sont, les gars. Ça avait plus de succès que les albums de rap, en oui, c'est exactement ça. Et du coup, quand la parodie a plus de succès que l'origine, c'est un peu compliqué quoi, tu vois. Et aujourd'hui, tu verras qu'il n'y a pas tant de parodies que ça. C'est-à-dire que maintenant, en vrai, les rappeurs, ils ont tellement un truc, ils sont tellement très respectés que faire des parodies très vite, tu pourrais paraître un peu ringard, tu vois. Donc quand faut le faire, tu vois, Evic par exemple, les fait très bien. Et encore que, tu verras que même ça a un peu changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mais il les sort pas, tu vois. C'est juste une vidéo YouTube. Ah non, il les sort sur YouTube. Oui. Non, mais voilà, oui, mais c'est pas dans le cadre d'un sketch. C'est différent. Voilà, exactement. Et du coup, aujourd'hui, je sais pas si les parodies, par exemple, je crois que les parodies d'aujourd'hui, par exemple, la différence d'avant, Fatal Bazooka, c'était déjà le cas, c'est qu'il fait pas juste la même mélo, par exemple. Il se prend la tête à faire un son, etc. L'idée d'avoir un personnage, etc., c'est très bien aussi. Mais après, est-ce que moi, je ferais ce genre de truc, un album où je m'enfermerais dans un personnage? Et si je fais un album, en fait, pour être tout à fait honnête, un des trucs qui me parlait, c'était de faire un peu une sorte de série audio et de mélanger un peu la fiction avec la musique. Ça par exemple, tu vois, ça me parlait beaucoup à un moment. Validé, ouais, c'est validé. Tu connais Attic? Atok, là c'est un gars, il a un peu des tocs. C'est de la parodie, donc il vient et dit. Mais il faut que tu regardes Dave. Capitaine Atok. Il faut que tu regardes la série Dave, où c'est un rappeur qui en même temps fait des vannes, mais en même temps va vraiment être considéré comme un rappeur. Attends, de quoi? La série Dave, ça veut dire rien, c'est Dave. Sur le canal. Il fait ça. Non, qu'est-ce que je dis? C'est pas Dave. C'est quoi? C'est le truc de Lil Dicky là? Ouais, Lil Dicky, ouais. Bah c'est pas ça, c'est Dave le nom? Je sais plus. Tu me fais bugger. Parce que non, mais là, vous avez dit Dave le chanteur chez Swan. J'ai bugué, c'est pas ça le nom. t'es passé très vite là-dessus et je croyais que c'était une vanne. Et j'ai Non, il y a une série sur Canal où c'est un mec qui fait du rap, mais un peu c'est en. C'est pas genre My Name is Dave ou Don't Call Me Dave ou une connerie comme ça? C'est bon, pas juste. Tu cherches en parallèle. Arrêtez maintenant. C'est Marocco, donc faudrait qu'on trouve le titre. Et le mec, en même temps, il fait des vannes, en même temps, il veut que ce soit sérieux et il fait des clips et tout. Des fois, c'est un peu en mode c'est fiction, mais c'est marrant, mais c'est stylé. Tu vois, c'est un vrai rappeur. Ok, d'accord, ok. Donc je t'enverrai en texto. Ah, mais j'en J'en ai entendu parler. Okay. Et c'est très très bien, Dave. Ok, ok. Et bon, bah, Dave. Ça s'appelle Dave. Ok. Dave. Et il fait ça avec un mec qui bosse. Donc, j'avais raison. Qui bossait sur Seinfeld et qui bossait sur Curb Your Enthusiasm et tout. C'est très bien. Dave Schaffer. Mais lui, c'est un vrai rappeur, ouais. Lui, dans la vie. La question qui vient est pour moi, donc j'y réponds. Et en plus, allez. La réponse n'est pas si éloignée de ce que tu dis, Freddy. Puisque quelqu'un a noté qu'entre une série, des sketchs, le spectacle de Le Caplin, alors le film de Yvick, mais c'est vrai que vous en avez parlé dans un bon moment, c'est pour ça qu'il est au courant. Le film de Yvick et ta BD, on me demande si j'ai envie de toucher à tout. Et effectivement, c'est pareil. Apparemment, oui, quand même. Bah, j'ai pas. Oui, mais c'est pas une envie de toucher à tout. Mais non, mais c'est ça dans le sang. Non, en fait, c'est de voir à quel endroit peut le mieux se raconter une histoire, plus. Et de se dire qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est pas possible. Par exemple, bon, déjà pour le spectacle de Le Caplin, c'est lui qui fait des spectacles bien avant que je fasse quoi que ce soit de ma vie. Donc, j'ai pas décidé d'écrire pour lui. Il m'a proposé, on s'est plutôt bien entendu et on a écrit. Mais par exemple, la BD, c'est juste que ça ne pouvait exister qu'en BD vu que c'est une histoire un peu SF comme ça et tout. Donc, je l'ai fait en BD. Et l'histoire qu'on fait avec Yvick, ça peut se raconter qu'en film, je pense. Et en fait, à chaque fois, c'est le. J'essaye de trouver le média qui va le mieux avec l'histoire que j'essaie de raconter. Donc c'est pas vraiment une envie de toucher à tout, si, parce que non, mais par exemple, j'ai aucune envie de monter sur scène, tu vois, ouais. J'ai pas envie de faire un spectacle. Pourtant, j'adore écrire sur le show de Le Caplin, ouais, ça ouais. Dépend vraiment tu du tu fais un 5 minutes au Bataclan. Ouais, non mais ouais, comme t'as envie, donc tu montes sur scène. T'as envie de tout faire, mon pote. Putain, mais tu veux croquer la vie à pleine dents, c'est normal. D'ailleurs, ta pâtisserie là que je suis en train de manger est incroyable. Ouais. Vraiment, bah, tu sais que tous les meubles, c'est lui qui les a fabriqués. Hein. La table sur laquelle on mange. Trop vite, j'ai ma coupe. Est-ce que c'est ton électricité chez toi que tu fabriques est incroyable. Est-ce que c'est pas parce que tu t'ennuies vite? Je sais pas, c'est une question. Hein. Non, mais par contre, alors que c'est tu touches à tout. T'as l'air de te faire chier en tout cas là. Ouais. Oui, c'est vrai qu'on fait des podcasts aussi. Non, en fait, c'est ouais. Mentalement, c'est pas mal, je trouve, quand t'as plusieurs trucs en même temps, que ça permet vraiment de découper ta journée. Par exemple, tu te dis, ok, le matin, j'écris sur, je sais pas, un spectacle, et après manger, je vais écrire sur un film. Et en fait, ça permet de pas mélanger. Alors que si je faisais, par exemple, que des films, par exemple, je pense que je me prendrais plus la tête, je me mélangerais, je me dirais. Mais est-ce que t'as des trucs qui sont complètement déconnectés de ces métiers-là? Un non, petit compartiment bah, de ta tête qui serait Foot Locker, de l'équitation. C'est vrai que le Foot Locker où... de Châtelet. Non. Tu fais du gainage. Ouais, un peu. Il y a quand même un dénominateur commun de l'écriture. C'est tout gravite un peu autour de ça. De créer des trucs. Ouais. En vrai, le floodcast est vraiment un des trucs qui s'éloigne le plus. D'accord. Parce que en vrai, lire des trucs d'actu et rigoler avec des gens talentueux. Alors, on finit toujours par parler de ça. Mais rigoler avec des gens, c'est quand même trop bien. Parce que moi, je déteste sortir. Talentueux, t'as dit la première. Ouais. Talentueux. Ouais. Non, mais par exemple, ce qui n'était pas fait exprès au début, mais ce qui est trop bien, par exemple, avec faire un podcast, c'est que tu n'es pas obligé d'aller à une soirée où tu connais pas spécialement les gens. Déjà, tu choisis les invités. Ouais. Et il n'y a pas vraiment de small talk, en fait. Tu vas assez vite dans les sujets que tu choisis. Bah, la merde, souvent. Moi, à titre personnel, j'adore la merde. Et ça, je trouve ça trop bien, par exemple. Ouais, parce que c'est difficile de jauger les gens. Alors qu'en plus, souvent, je leur demande s'ils connaissent le podcast. Et comme ça, c'est encore mieux. J'ai pas besoin de prendre par la main et tout. Et ça, c'est trop bien. Parce que du coup, c'est pas vraiment du travail, tu vois. Non. Je vais couper les 2-3 blagues racistes d'Aurélien. Et c'est tout. C'est le grand max que ça va me prendre. Donc du coup, c'est ça ma façon de déconnecter. Et puis j'ai ma meuf aussi, mine de rien, maintenant, qui est aussi quand même le truc qui permet de ce que j'avais pas avant. En même temps, elle est pas là. Hein. C'est vrai qu'elle c'est est louche, pas là. C'est louche, non ? Ça fait 3 ans que je l'ai pas vue. Elle s'appelle Floria. Adrien, tout le monde pose la question sur ta BD, mais moi c'est un roman que je rêve de lire de toi. Ton sens de l'observation couplé à ton phrasé, j'achète demain. Est-ce que c'est le genre de projet qui pourrait te donner envie ? Il a pas de stylo. Non, c'est mon seul. Je sinon, voudrais écrire un poème, mais je n'ai pas de stylo pour citer les Robins des Bois. c'est marrant. Genre cette semaine là, je disais, ce serait le métier idéal pour moi d'être romancier, quoi. Parce que t'es laissez-moi tranquille, quoi. J'écris mon truc, je fais mon truc, je peux être n'importe où, je peux. Non, ouais, j'aimerais bien, mais bon, c'est comme. Moi, c'est j'aimerais toucher à tout, mais je ne touche vraiment à un ou deux trucs uniquement. Donc, non, j'exagère. Tu effleures. Je fais des trucs. Mais ouais, j'aimerais bien. Mais j'y ai pensé d'ailleurs. Bah, c'était pendant le confinement où tout le monde s'est dit mais je vais faire un truc que j'ai jamais fait. Donc, j'y ai juste pensé. Je l'ai pas fait. Moi, j'ai ken ma meuf. C'est bien. Pas mal. La première fois. Moi, j'avais jamais aussi, Florian n'avait jamais pris. Autant de plaisir. Autant de plaisir. On a fait l'amour 30 heures. Elle a joué de ouf. Je lui ai touché les seins, c'était comme du sable. Elle a c'est trop kiffé. C'est pas une vanne de moi. C'est pas nous, ouais, c'est 40 ans de champion. Non mais tout va bien. Non, ouais, non, j'ai pas écrit un roman, j'ai twitché à la place. Ouais, mais c'est l'équivalent moderne, hein, Maupassant et twitcherait. Ce serait. Maupassant twitcherait. Il dirait rendez-vous à 18h. Merci de lâcher des subs. Dis donc, tu connais bien l'univers de Twitch. Je me suis intéressé. J'ai failli. Il aurait metté la cloche. J'ai failli streamer aussi. Oh, on a tous. Moi, si j'avais pas la fibre, je serais à là. Si t'avais la fibre, tu veux dire. J'ai dit quoi? Si t'avais pas la fibre, t'as dit. Ah, c'est ça, ouais. Ah, après, ouais. Non, il veut être présent, mais qu'en 360p. Il se dit, si je suis en meilleure quali qu'en 280p, jamais. Moi, quand ça lag, les gens, ils sont morts de rire. Donc, roman, ça ouais, j'aimerais bien. J'avais même commencé, parce que j'avais eu des idées pour un roman, et j'avais commencé à prendre des notes pendant le confinement. C'est tellement dur. Que je dois avoir. Et j'étais vraiment ultra motivé. Mais c'était et ça venait, une genre, vie de Maupassant. Voilà, ouais. Encore sur une fois. Twitch, ouais. Qu'est-ce qui fait que tu l'as pas fait? Bah, perte de motivation. Mais c'est l'histoire de ma vie. Hein. Ouais. Je suis vraiment très. Moi, si je suis vraiment. J'ai besoin d'un élan. Et si je L'animal. Perds l'élan, ouais. Je me suis retenu fort. Non, si je perds mon élan, c'est terminé, quoi. Et comment genre, tu peux... ma BD que j'ai commencé à écrire il y a 5 ou 6 ans, j'étais à fond, et puis après j'ai arrêté, j'ai plus jamais continué, quoi. Et comment tu perds l'élan et comment tu peux ne pas perdre l'élan? Si c'est chiant, tu couperas. Non, non, je trouve ça plutôt intéressant. Il faut s'imposer. Comment des trucs, je peux. Mets un point de montage au cas où. Comment tu perds l'élan ou et comment est-ce que tu sais comment ne pas perdre l'élan? Ça joue à quoi? C'est dû à quoi? Faut bosser même un peu, mais genre tu vois régulièrement, quoi. Continue à bosser. Tu sais quels sont les éléments. Quand t'es tout seul et qu'il n'y a pas de deadline, c'est ça aussi qui est dur. C'est ça, oui. Ah, c'est super dur. Il n'y a pas de deadline. Seul, pas j'ai un problème. Le même problème. Si je suis tout seul et que j'ai pas de deadline, c'est pareil, c'est compliqué. Moi, quand je bosse par exemple sur Groom, etc., où faut écrire et tout. Je bosse, je suis à fond, je suis hyper discipliné, je bosse tout le temps, machin, il y a pas de problème. Mais quand c'est des projets perso, ou sur un plateau, t'es toujours à fond et tout, quoi. Ouais. De quoi, non, mais tout sans... c'est pas une vanne. Sur un plateau, t'es toujours à fond, machin, mais c'est juste quand solo, sans deadline. Non, sans deadline, c'est très difficile. Tu disais, Morgane, non, sur c'est un que auteur. Le seul auteur que je connais qui a écrit un livre qui a été beaucoup vendu, je lui ai demandé, tu vois, parce que moi aussi je voulais écrire. C'est mon passion. Comme tous les enflures d'artistes pendant le confinement. Et il m'a dit, ouais, il y a toujours une image de l'auteur avec un verre de rouge, une clope, et ça vient, et tu vomis ton flou. Non, non, faut se mettre. Et en fait, non, il m'a dit, non, tu t'imposes 5000 mots par jour. Donc c'est pas beaucoup, mais tu les fais. Et t'en démords pas, quitte à effacer, même si c'est de la merde. Mmh. Et c'est un truc de, tu te lèves à 9h du matin et de 9h à midi, t'écris, quoi. C'est une régularité et c'est une... Moi j'avais rigueur. Ils se couchent à 13h, les romanciers. Moi j'avais... Tu rigoles, mais Stephen King, il disait ça. Il dit, moi je bosse, je me lève à 8h, j'écris mes mots, je sais plus combien d'années. Et après, par contre, une fois que c'est fini, je fous rien de l'après-midi, quoi. Il dit, bah, non, mais j'ai besoin de rien foutre, quoi, comme ça, le lendemain matin. Amélie Nothomb, je crois que c'est 4h du mat, elle fait du 4h, 8h, un truc comme ça. C'est ça. Mais c'est très dur, hein. Moi j'ai voulu aussi écrire à un moment un roman parce que j'avais une idée de film qui coûtait trop cher. Donc je me suis dit, ah, ça pourrait être un roman sympa. Mais moi j'ai l'habitude des dialogues. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, non, c'est ça. C'était ça, ça existe, pas été hein, soumé, ça pas soumé. Mais du coup je me suis rendu compte que ça se remplit très lentement un roman surtout. Ah, enfin, c'est des rigueurs d'athlète, quoi. Oh la vache, c'est vraiment, j'ai fini un chapitre, genre de 4-5 pages. Et j'étais vraiment genre, bah je crois que je n'ai plus rien à raconter. Mais faut mettre 14 comme taille. Ouais, c'est ça, exactement. Et je pense que c'est l'enfer, dur. C'est quand t'as tout écrit parce que t'as eu des fulgurances et que tu dois relire et réarranger et réécrire. C'est le plus chiant. Horrible. Moi, je crois que le truc qui pourrait me motiver à écrire un roman, c'est que du coup, j'installerais un nouveau logiciel pour écrire des romans. Parce que moi, c'est le truc qui me motive à faire un projet. C'est genre, ah, mais non, je vais pouvoir. On est l'inverse. J'ai ce même problème. Ah ouais, moi, mais le combien, je vais dire, combien de logiciels de structure pour structurer des scénarios, alors que vraiment, pas tant de travail de structure de scénario que ça. Tu vois, mais combien je me suis dit, celui-là, ce sera le bon. Mais tu vois, c'est en pas disant, que les logiciels, toi. C'est même l'endroit où écrire. L'endroit où écrire tout. J'essaie d'être à chaque fois dans les meilleures conditions et j'essaie de m'exciter avec ça. Et je sais que par exemple, une nouvelle caméra, un nouveau micro. Des micros, j'en ai vraiment beaucoup. Ah, mais ouais, mais il achète du matos. Moi, je fais rien en plus, moi. Rien. Quand peut on loue des baraques et qu'on doit écrire en vacances et tout, et que des fois il a des projets solo, tu vois, il fait les trucs tout seul. Il dit, j'ai trouvé un coin dans le jardin là-bas. Je vais me mettre là-bas. Oh, ça va être trop bien. Vous avez vu le balcon derrière et tout qu'on n'a pas utilisé? Je vais me poser là, la vue. Ça m'excite. Je vais écrire de ouf. Ah, moi, les ça marche. Ça, bah ça marche, mais ça peut marcher ailleurs, quoi. Ouais. Tu vois, ça, moi, les lieux, j'ai arrêté de. Je me suis forcé à me dire travaille n'importe où parce que c'est. À chaque fois, moi, je passais des fois des après-midi à marcher dans Paris, à voir un café, faire. Ah ouais, mais là, il y a des la gens, même, machin. Le petit coffee shop parfait qui va faire des lattes. La même, la alors même. Alors maintenant, moi, je me dis, j'ai un bureau de merde chez moi et je me mets là et je bosse là et voilà. Vous voulez savoir le meilleur endroit que j'ai trouvé à Paris pour écrire? Ouais, je sais, moi. Breakfast in America. Breakfast in America à Saint-Michel. Alors, je l'aime beaucoup. J'y vais en ce moment, donc si vous pouvez peut-être m'y voir de temps en temps. Il y a un possible. Non, à une époque où j'allais beaucoup. Ah, je sais. C'était l'UGC. L'UGC de Bercy. Voilà, l'UGC de Bercy. En tout cas, c'était un cinéma. Qui avait. Freddy, j'y suis allé. Non, bien sûr. J'y suis allé. J'ai écrit là-bas aussi. J'ai écrit un projet entier là-bas. C'était incroyable parce que tu prends ta carte UGC, tu rentres, tu prends n'importe quel film, tu rentres à 9h, 10h, enfin quand ça ouvre. Les boissons sont moins chères que dans un café et t'as un choix énorme de et t'as des snacks aussi, donc si t'as envie de prendre des Maltesers, des M&M's, c'est Byzance quoi, c'est c'est le paradis. Attends, la bouffe de cinéma est moins chère? Plus cher qu'un supermarché. Les boissons sont moins chères. Bar quoi. Un coca en bouteille à UGC est moins cher qu'un coca. Là, je vous regarde. Alternativement, qu'un coca dans un café. Moi, j'avoue, j'y allais, j'avais vraiment pas de thunes et je ne prenais même pas de coca. C'est ça qui est bien, c'est qu'on ne te vire pas si tu ne prends pas de coca, contrairement au bar. Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout de toi, d'accord. Donc t'y vas, et puis oh là, j'en ai un peu marre. Bah, tu vas avoir un film, mon pote. Et là, bim, tu vas avoir un film. Si c'est une merde, tu dis, bon, je peux faire des films, c'est bon, donc ça te relance. Si c'est génial, enfin, vous, je sais pas si vous avez ça, mais ça te donne envie de raconter des histoires. Moi, ça me fait ça. Ça dépend de l'âge de la personne. Il y a des chiottes. C'est incroyable. Ça dépend de l'âge de la personne qui fait le film. S'il est trop jeune, c'est pas. Ouais. Xavier Dolan m'a beaucoup déprimé, moi, personnellement. Ouais, bien sûr. Et oui, et en plus des chiottes, effectivement, le wifi est excellent. Le wifi du cinéma est de très bonnes factures. Donc voilà, je vous invite à écrire si vous avez une carte illimitée et tout, dans les cinémas, l'été il y a la clim, l'hiver il y a le chauffage. Écoute, bah, tu vois, mais voilà. Là on en parle, ça me manque. Mes premiers degrés. Pardon, excusez-moi, dernier avantage excellent, il n'y a pas de musique. Parce que les bars, l'après-midi, inutile de mettre de la musique. Pourquoi mettre de la musique dans un bar en journée? Ça parce m'énerve. Ils payent les droits pour le faire, donc ils profitent quoi. Ouais, c'est ça. Bah, au cinéma, t'as pas ça. Donc voilà, je vous conseille. UGC, Bercy. Bah, n'importe quel cinéma, j'imagine, qui fait ça. Je pense qu'au Hall, tu peux le faire aussi. Bah, attends, c'est moins sympa. Il y a un petit coin bar quoi. Il y a un petit coin bar. Mais celui de Bercy est très chouette. Mais toi, tu ne mets pas sur les petites piles de réhausseurs derrière le sélecteur. Pendant le film, c'est chier tout le monde. Elle a éclairé sa lampe torche au téléphone. Exactement. Voilà, donc je vous le conseille. Okay. Une question pour Aurélien Prévost. Est-ce que de prochains épisodes de Il fait tout noir sont en préparation, déjà tournés? Si oui, avec quels invités? J'adore ce format. Sachant que je veux une exclue, voilà, ni plus ni moins. C'est la même question que l'année dernière. Il n'y en a pas eu depuis. Si, j'en ai fait deux. Ah oui, bah voilà. Mais dans une année, deux, c'est moins que d'habitude. Mais il faut dire que l'année était quand même un peu particulière. Oui, oh là là, sale année 2020. Pour d'autres raisons que le Covid, plein de choses. Tu connais la pandémie mondiale. Ah, Trump. À très bientôt. Bah, en parlant de Covid, j'en ai fait en début d'année, j'en ai fait deux. Et j'avais trouvé un sponsor. Parce que moi, ce que j'essaye de faire pour raconter ma vie, je suis plus intermittent, donc j'aimerais bien avoir des partenaires financiers pour m'aider à faire des vidéos pour que ça ne me coûte pas d'argent. Big Flo. Si tu nous écoutes, n'hésite pas. Et du coup, ouais, j'avais un partenaire financier qui était incroyable en plus. Je le dis, on s'en fout. Hein. C'était Lotus. Ouais. Tu sais, le fameux le PQ. Parce que, je sais pas si tu sais, mais enfin, je pense pas que tu saches, mais j'ai une image associée autour du PQ, ce qui ne peut pas avoir l'air classe. Mais en vrai, ça l'est, les gars. Grave mec, waouh, t'es l'équivalent. Putain, j'allais partir Claudia avec Schiffer. Eux, mais c'était lancé et tout, j'étais content, mais à cause du Covid, ça a un peu tout mis en pause quoi. Ah merde. Mais je vais quand même essayer d'en refaire. Donc ça va arriver sur la chaîne, tout ça. Voilà, là c'est un peu le bordel. J'ai rien sorti depuis avril sur la chaîne. Ah putain. Mais ça reprend là. Là j'ai tourné une vidéo avec les potos là. Ah bah trop bien. En Italie. Et gauche droite, en France, c'est bien en ça Italie. Aussi, ce truc-là, faut le refaire. Gauche droite, on est censé en faire un, mais ça finit sur un meet-up et c'est un peu galère avec avec le Covid et tout en ce moment. Effectivement. Mais techniquement, on est censé en faire un en septembre là aussi. Ouais. Ce format là. Donc Il fait tout noir, ça va revenir. Gauche droite, c'est censé revenir. Et ma chaîne reprend dans les 15 jours. Bah c'est bien déjà. C'est ça. Dans les 15 jours ou dans les 15 jours? Dans les aigus. Dans les 15 jours. D'accord, ok, très bien. Toi pour le Covid, pour le spectacle, ça change rien? Ton spectacle, il est joué quand, Morgane? Non, moi j'ai de la chance. Je devais finir fin mars, donc ça m'a vraiment fait sauter de date. Ok. Et là je reprends 1er octobre. Donc si ça va changer, ça va pas être la même ambiance. Les gens vont être masqués. Si les gens viennent déjà. T'es un peu rodé depuis? Enfin, je veux dire, t'as rejoué post? Non, j'ai rejoué une demi-heure à Bruxelles avec Fanny, justement. Ouais. J'ai joué dans les comédie clubs le soir, mais dès 5, 6, 8, 10 minutes. Oui, mais non, là, ça va. Tu sais ce que c'est déjà, au moins un peu le ouais, côté. Ouais, ça va. Les gens masqués, ils rient, tu les entends et tout. Après, je sais pas s'ils vont venir, moi. Vraiment, ouais, j'ai un ça. Vrai doute là-dessus, parce que nous, on réfléchit de notre petite élite. culturel, mais il y a vraiment des gens que ça fait encore vraiment flipper. Oui, et moi, raison, j'ai pas que des gens de 20-25 ans dans mon, dans mon public. Donc, les gens qui ont l'âge de ma mère... Déjà, il y a plein de gens qui n'ont pas envie de s'asseoir pendant 2 heures avec un masque. Oui, bien sûr. Enfin, ah, Aurélien. Si je mets un short, aucun problème. Il y a des tonnes de gens qui mettent encore des slims. Enfin, faut se rendre compte. Faut se rendre compte de ce qu'on traverse, quoi. C'est vrai que j'ai dit ça pour mes... Est-ce que t'écoutes Mika? J'ai honte, du coup, parce que j'ai pas de slim. En vrai, je n'ai pas de slim. C'est vrai que t'as pas de slim. Mais non, mais bon, c'était plus marrant, écoute. Écoute, non, on verra. On se saborde. T'avais chaud, t'avais dansé la tectonique avant, donc... J'avais dansé la à la toqué pas d'aglia macarena. À la toqué. C'était à la toqué tout à l'heure. J'ai une autre question pour toi, Morgane. Ouais. Comment trouves-tu l'inspiration selon les invités pour ces chroniques? Alors, c'est vrai que tu viens de commencer, donc si tu n'avais plus d'inspiration. Mais est-ce que c'est flippant? Parce qu'il faut expliquer aux gens qui ne connaissent peut-être pas tes chroniques. La façon dont c'est présenté, c'est ouais. Morgane ne vous aime pas. Ouais, la rubrique qu'on m'a proposée, c'est de l'écharcler. Voilà. Mais ah, tu es le Bruno le Stéphane Guillon. Stéphane Guillon. Ouais. Stéphane Guillon. Bruno Guillon, c'est l'animateur du matin. Après, le but, sympa. C'est toujours le faire avec gentillesse et j'essaye de toujours m'en sortir en disant je vous aime pas. Parce que vous avez fait une tonne de trucs dont je suis pas capable. Ouais. Sauf que l'autodérision et l'autoflagellation, ça va avoir ses limites dans 30 secondes. Ouais, et qu'il va falloir que je me renouvelle. Mais par exemple, enfin. Ouais, c'est. En fait, j'ai du mal encore, là, sur les 10 jours, à trouver la juste mesure. Soit je les caresse trop dans le sens du poil. Et c'est. On reçoit des gens. La première, j'ai eu Blanche Gardin. Ouais, on reçoit des gens que moi, j'aime beaucoup. Mais qui était très maligne. Ta première chronique, l'angle était super. Et elle a été. Tu lui as dit qu'elle tenait bien son personnage dans Le passé de l'histoire. Oui, bien sûr. Pendant tout le film. Je l'ai félicité de l'avoir tenu 1h15. Mais malgré la chaleur. Donc, trouver le. Pas trop les caresser dans le sens du poil, mais je veux pas tailler et faire de la méchanceté gratuite des trucs physiques. Ce matin, il y avait Isabelle Huppert. Honnêtement, je me suis réveillée bien, mais je me suis dit, ouais, quand ça va être fini, la clope d'après, elle va être cool parce qu'elle est hyper impressionnante. Bah oui. Et après, tu prends l'habitude et tu te dis. Elle est hyper impressionnante. Fallait que j'attende un peu. On voit pas, mais je suis en train d'enlever mon chapeau pour le tendre vers lui, pour le saluer dans un mouvement de déférence. J'ai l'impression que tu as trouvé un côté. J'ai bien aimé parce que je l'ai pas fait tout de suite. J'ai attendu 5 secondes pour que ce soit vraiment nul. Et j'aime bien que t'aies dit j'ai bien aimé en parlant d'un truc que t'as fait toi. J'ai bien aimé et j'ai trouvé ça super de ma part. L'audace de la personne. Quand tu dis que t'as attendu un temps nul, tu peux dire j'ai bien aimé. Ouais. Pardon, Isabelle Huppert. Non, mais. Merci de venir autour de notre table après avoir eu Isabelle Huppert d'ailleurs. Je l'ai pas eu du tout. Je lui ai dit je vous aime pas parce que ça, mais qui était vraiment des trucs que je vous aime pas parce qu'en fait je vous aime. Ouais. Mais et puis après, ce qui est cool, c'est que comme t'envoies tous les jours des gens qui ont fait des grands films, des grands réels et tout, à un moment tu déconnectes. Ouais. C'est Isabelle Huppert, ça reste un être humain d'1m58. Ouais. à Berlin. Donc écoute, je sais pas, faudrait vraiment me reposer la question dans 4 mois. Pour l'instant, c'est cool, mais tu reviendras dans 4 mois. Mais je vais bloquer à un moment, les gars. Va falloir m'aider hein, parce qu'il y a des gens, c'est plus dur que d'autres. Hein, ouais. Et on n'a pas tous les mêmes. Demande attitudes. À Flaubert, c'est un touche à tout. C'est pas plus dur. Dis quelqu'un comme ça au hasard et Aurélien, il va te faire une vanne dessus. Dis quelqu'un. Moi, ça va être une vanne raciste. Vincent Cassel. C'est comme dirait merde. Oh, putain. Tu t'en fous. Tu t'en fous. Ses films à l'époque. Ouais. Tu couperas. Il cassait les scores avec ses films à l'époque. Yes. Je pense que je vais faire ça du coup. Mais il casse toujours les scores, non? Ouais, mais moins. Vincent Cassel. Mais il casse moins les scores de nos jours. Vincent Cassel, je vous aime pas. Adrien par là. Vous me donnez la haine. Et... Non, mais ça va. Les acteurs, ça va. Mais tu vois, la semaine dernière, il y avait Gaël Faye qui a écrit Petit Pays, qui est quand même un génocide. Bah Gaël. Et bonjour, je vous aime pas. Mais ça va être drôle quand tu vas recevoir quelqu'un que t'aimes vraiment pas. Oh, tu vas devoir dire, mais je vous aime bien parce que, quand même, Eric Zemmour, quand même. Non, mais c'est vrai que ça va être dur ça. Arriver... J'aurais pas réussi à faire ce que vous avez fait, Eric. Non, mais la personne va arriver en se disant, non, mais je connais son truc. Elle dit aime pas, mais en fait, elle dit des trucs sympas et tu vas vraiment dire des trucs machins. Après, comme c'est que des gens de cinéma ou de culture et qu'il n'y a pas de politique, il y a a priori pas trop de gens que j'aime pas. Arrête, ça y est, c'est déjà suffisant. Pourquoi t'es invité à l'émission, Adrien ? S'il y a Sardou, tu vas dire. Tu vas pas dire que tu le hais. Non. Non, je vais lui dire que je l'aime beaucoup. Mais il y a quand même un petit vertige, hein, moi je trouve. Parce que Nagui fait. Et bien voici Morgane, elle ne vous aime pas. Jingle, c'est ça, le vertige. Tu le fais vachement bien. Ah ouais, le vertige du truc, moi je trouve, parce que j'ai écouté. Du coup, mais c'est pour ça que si tu regardes les vidéos, j'arrive pas à rester dans un personnage un peu froid. J'ai mes feuilles et je souris. Pardon, voici des lasagnes, le chien est mort. Freddy. Où en est ce projet de long métrage avec Yvick, Vincent Tirel et Florent Bernard, dont vous n'êtes pas censé parler? Où ça en est? Bah écoute, on a envoyé la dernière version là. J'ai l'impression que le scénario est validé. Le scénario est parti. Il va bouger selon les acteurs. Parce que j'ai écrit fin à la fin, après j'ai écrit je plaisante. La fin est vraiment là. J'espère qu'en salle ça marchera cette vanne. Écoute, c'est fini. Là, pour l'instant, on attend des moi, je suis au courant, on parle aux gens. On attend des nouvelles du casting. J'ai pas reçu mon mail. Bah, tu sais du que. Du casting. Ouais. Alors, cela c'est dit. C'est des gens qui jouent dans le film, c'est ça? Oui, oui. Adrien, du coup, je me dis. On coupera peut-être, mais j'ai eu une scène à mon anniversaire où Yvick t'a dit: mais tu sais que t'as un rôle dans mon film? Tu fais: oui, bon, c'est de la figuration de merde. Et tu es parti de la pièce. Non, je suis pas parti de la pièce. Ah, je savais pas. Il était bourré, Yvick. En tout cas, ça avance, mais évidemment, Covid, tournage, tout ça, on sait pas trop. Ouais, quoi. On sait pas où ça en est. Mais pour le coup, voilà, c'est en financement. C'est-à-dire que c'est pas. Yvick, c'est un peu avancé en parlant dans l'émission de Cannes, mais c'est écrit. Mais ça fait du bien de savoir qu'il y a un film de ce type qui arrive. Et du coup, qui autant écrit, qu'il en tout cas. Continue d'arriver perpétuellement, ça me fait du bien. Il faut pas qu'il sorte, je pense. Savoir qu'il va exister, ça me fait du bien, moi. Le reste, c'est dans les mains de la production. Voilà. C'est ça, voilà. Nous, on a fini notre travail. Enfin, on va sûrement peut-être réécrire selon le cast, mais en tout cas, le gros. Oh, flemme. Ouais, on le fera pas. On le fera pas, donc peut-être qu'il y aura un gros problème. Bah, de casting. A testé tous les spots pour écrire, il a fait le tour. C'est bon, c'est fini là. Oui, Aurélien, j'apprécie énormément ton humour. As-tu des projets de sketch ou de court-métrage ou de long-métrage dans les cartons, outre que ta chaîne YouTube? Parce que c'est vrai qu'en fait, ta chaîne YouTube, c'est presque de la parodie de YouTube, ou parfois même tu joues, tu crées des concepts YouTube. Est-ce que tu as envie de réécrire des courts-métrages ou de la fiction pure? Bah, j'aimerais beaucoup. Je suis censé le faire, mais je le fais pas trop parce qu'effectivement, quand t'as ta chaîne, bah, tu t'occupes en priorité de ta chaîne, quoi. Bien sûr. Et du coup, je suis censé faire des bails un peu à côté parce que j'ai pas envie de négliger aussi ce que j'aime bien faire aussi à côté, qui consiste à écrire et réaliser des trucs en dirigeant des comédiens et tout ça. Et boire des bières. Mais sur ma chaîne, je m'amuse beaucoup aussi. Et du coup, et pourtant, c'est faut vrai pas que... se mettre la pression. Comme t'as dit tout à l'heure. T'as compris ou pas? Bière pression. On peut pas toucher, c'est Covid. J'ai bien fait de t'interrompre pour faire cette vanne. Elle était cool. Ouais, bien sûr. Désolé. Si j'avais un vrai cheminement, je me serais dit putain, il me coupe et tout. Machin. Mais la réponse après, est j'aimerais bien, mais pas trop là tout de suite maintenant. Après, donc, voilà. Vous avez la seule question que j'ai eue, vous avez pourri. Vous m'avez interrompu. je me permets, j'ai pas pu remplacer une sur ma question. Donc c'est pas. Non, il faut et j'aimerais beaucoup et tout, mais là c'est pas prévu à la seconde. Là je suis re sur ma chaîne. Très bien. Parce que à un moment donné, je branlais rien là cette année. Bah, comme tout ça le arrive, monde, c'est ça, arrive, exactement. Ça et on est très content que tu sois re sur ta chaîne. C'est ça. En tout cas, moi perso, je suis très content. Ouais, moi aussi. Exactement. Ouais, bof, t'as pas l'air non plus. Ouais, non. Ah non, je suis pas au plafond. Non, je trouve ça cool. Je suis content. Oui, bah, après, ça. Il est content, il est dans une vidéo sur deux. Donc lui, pour lui, c'est cool quoi. Je suis payé dans aucune vidéo d'Aurélien. je t'ai filé 100 balles. Je t'ai filé 100 balles une fois. C'est plus que. Et alors, est-ce que vous conseillez la Tesla? Alors ça, faut raconter aux auditeurs, puisque vous êtes partis en vacances en Tesla. Oui. Comme des enfoirés de Bourges. Et c'est bon, tous les youtubeurs ont des Tesla en vrai. Les vraiment ceux qui gagnent beaucoup d'argent. Oui, voilà. Non, tous les youtubeurs qui se démerdent. Parce que nous, on n'a pas de Tesla en vrai, quoi. Alors oui, expliquons aux gens déjà à qui est cette Tesla. On n'a pas le droit de dire. Pendant ce temps, je cherche un jeu de mots, moi. C'est avec Tesla, allez-y. Elle nous a été prêtée, mais j'ai pas le droit de dire. Ah non, mais disons pas par qui, mais on vous l'a prêtée. C'est ça. Par un proche. Voilà, mais on vous l'a prêtée, elle n'est pas à vous. Moi, je croyais. J'ai vraiment envoyé un texto, enfin un message privé sur Instagram à Aurélien en disant. Est-ce que ce proche, il te l'a donné en disant Tesla? Pour voir si ça te plaît. Voilà, ça, c'est ton micro. Tesla, la voiture. Tesla, la voiture. Il t'a dit ça ou pas? Non. Ton. Non, il a non, mais il. Ah oui, je t'ai fait faire la blague. Ah oui, je vous ai répondu. Tous les deux, vous m'avez demandé sur Insta en fait. J'ai demandé à Aurélien à qui. Freddy, c'est quand même pas acheter une Tesla. Genre Mirador, ça fonctionne. Tu t'es pas payé une Tesla. Ce serait fou. Bah, j'aurais tout mis dans la Tesla quoi. Ça, j'aurais vraiment été débile. Même. Ouais, c'est du frère. T'aurais eu l'apport pour la Tesla. Tu viens de te griller, tu es très. Beaucoup de pognon. Très riche. Mais donc, vous êtes parti en vacances avec une Tesla et ça a été un terrible fiasco. Est-ce que vous pouvez raconter? Ouais, mais c'est plus lié à notre manque d'organisation que à, comment il s'appelle, Elon Musk qu'on embrasse. J'ai peur que je confonde avec avec un nom pareil, Teslav, mec. C'est ça, exactement. Je te suis, t'as vu, j'ai pas réussi à rire, mais j'ai parlé tout de suite pour pas qu'il y ait de rire. Est-ce que vous pouvez raconter sexe, est-ce que vous non, pouvez expliquer bien, ce qui s'est passé, mais... Freddy, j'ai d'abord demandé à Freddy. Non, parce que c'est à cause de lui, donc il va pas oser. Alors, Ça n'est pas à cause de moi. Déjà, le fiasco, c'est pas à cause de toi. Non, c'est pas à cause des petites courses que t'as fait la veille alors que c'était pas nécessaire et qu'il y avait pas d'électricité pour aller à la borne. T'as mis sur la tête avec ton carton. Il y a des non-dits. Super, c'est ça l'amitié. Je pensais que c'était la communication. Parce que les vraies que raisons. Ça passait par là. Regarde, les deux amis face à nous s'entendent très bien. Ils communiquent parfaitement. Après, on part pas en vacances ensemble. C'est là où on est, c'est là où on est très très bon. C'est que vraiment. Parce que une des raisons du fiasco que j'évoque là, je lui ai même pas dit c'est parce que t'as fait ça la veille, tu vois. C'est, je le dis que maintenant, tu vois. Donc là, problème il dit, de communication. Oh le bâtard. Moi qui connais l'histoire, je comprends malgré tout rien à ce que vous racontez. Alors expliquez. Vous êtes parti en vacances avec Anis. Oui, voilà. Oh là. Exactement. Numéro 1 sur Spotify. Nous sommes partis en Italie avec Anis et Aurélien à bord d'une Tesla très confortable. C'est mais vrai. Électrique. C'est vrai. Et électrique. Et j'y tiens. Et électrique. Après, c'était l'électricité Tesla, c'est uniquement que Flaubert fabrique. Et du coup, électrique. Et électrique. Sauf que, en fait, en gros, quand tu mets un trajet sur la Tesla et que tu as pas mal de trajets à faire, en gros, il y a à peu près 400 km d'autonomie. J'ai l'impression qu'on va rentrer dans des termes techniques. Non, tout va bien. 400 km d'autonomie et il te met des points sur la carte. Il te dit on va s'arrêter là, là, là et là pour vous arriver à destination correctement. D'accord. Parce que c'est pas de l'essence, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c'est comme ta batterie de téléphone. Quand t'arrives à 5%, il y a un truc de bah à un moment, tu vas pas recharger ta Tesla n'importe où, tu vois. Ouais. Juste tu vas tomber en panne. Ouais. Et t'as beau brancher une batterie externe de téléphone sur la Tesla pour charger. Ça ne marche pas. Ça met 37 ans. Ça mais donc quand même, pas. Quand tu fais l'itinéraire, il le fait en fonction des points de recharge. Ouais, exactement. Ah, c'est pas mal déjà. Car il existe des chargeurs spécial Tesla qui vont plus vite que les chargeurs électriques mais classiques. Qui sont dans les grandes villes j'imagine ou les petits villages pas forcément à Longjumeau il y a pas forcément okay. Pas forcément. Alors, en l'occurrence, Longjumeau, oui. Et des chargeurs de qualité, puisqu'ils s'appellent superchargeurs. C'est vrai. Donc, c'est vraiment des chargeurs de qualité. Ils s'appellent superchargeurs. Donc, des superchargeurs. C'est toute une blague. Attends. Elle était géniale. Non, Freddy, je sais pas. Si, en vrai. C'était un callback de tout à l'heure et tout. Ouais, ouais. Si, si, en vrai, j'ai même pas entendu. Isabelle superchargeur. Tu as deux co-auteurs. Vous avez ri la deuxième fois, vous n'avez pas entendu en fait. Moi j'avoue, j'avais pas entendu. Putain, ça fait deux co-auteurs. Je me suis pris un bide parce que les gens n'avaient pas entendu. Et j'étais genre, non mais c'est pas marrant. Personne n'a osé avouer. Si, c'était très bien. C'est fou, putain. C'était très bien. Ça en dit long. Non mais ça en dit long sur l'humain. On apprend beaucoup. Après, je suis impressionnant. Donc l'aller s'est bien passé, sauf qu'une fois sur place, tu sais, en fait, les gens de la Tesla, ils la rechargent des fois depuis chez eux, leur garage, etc. Ce que j'ai tenté de faire, sauf que ça a fait sauter en fait les plombs de la maison. Du Airbnb. Il a chargé la voiture avec pas un superchargeur mais avec une rallonge. Voilà, exactement. Et j'ai eu la mauvaise idée de lancer un lave-vaisselle en même temps. Car je suis en charge de lave-vaisselle. Oh. Et du coup, il y a le propriétaire qui est venu et qui a dit : vous croyez que je le sais pas, que vous rechargez la voiture. Tu sais, il y a eu un truc, d'ailleurs, je le raconte dans ma prochaine vidéo YouTube. Teasing. Car je suis aussi parfois un peu aussi YouTuber. Vlogueur, comme disait Parce que ça coûte une tonne en électricité. Vlogueur, en vrai, ça coûte pas si cher que ça, mais lui disait ça coûte cher, etc. Enfin, il était italien, il parlait pas français, donc il a pas vraiment dit ça, mais disait, il a fait ça avec comme les mains. Comme il a dit, ora copacarete e macarena. Ouais, ora copacarete e macarena. Exactement, ce qui fait qu'en fait, c'était compliqué pour nous de le recharger pendant les vacances, tu vois. Donc on est parti avec de la charge en moins et on se disait que tout allait bien se passer parce que autour de nous il y avait des superchargeurs. Sauf que c'est pas si simple que ça. C'est-à-dire qu'on s'est arrêté un moment à un endroit et on n'avait pas l'embout. C'est des embouts. C'est comme ton iPhone, quoi. C'est genre t'as un embout de Samsung. C'était quoi ? Ah, la veille, visiblement. Le proprio nous a pas laissé charger. Faire mes achats. Et la veille, il a été faire des petites courses pour le délire. Mais il a ramené des trucs très bien. Hein. J'ai acheté quoi ? Mais ces petites courses nous ont mis du shit et de la coke, malheureusement. Et ce qui fait qu'on n'a pas pu aller, quand on est parti directement au vrai chargeur officiel Tesla qui était sur la route, mais on a dû faire demi-tour, ce que je ne savais pas, moi, sur le moment, pour aller plus loin dans l'Italie, pour aller à un chargeur classique sur lequel nous n'avons pas pu nous brancher. Et donc ça commence à être, s'il n'y a plus d'électricité, qu'est-ce qui se passe, tu sais ? Oh là là, c'est pas de l'essence, tu vois, tu peux pas aller avec un jerrycan bah, pour remplir d'électricité. Tu peux t'arrêter chez quelqu'un qui habite au rez-de-chaussée et lui dire, on est en galère, est-ce qu'on peut se brancher On chez ne vous parlait pas italien. Ouais. Branchare, tu vois. Et sauf, c'est marrant parce qu'il y a quand même, des. C'est bien qu'on le dise parce qu'il y a, des non-dits. Je savais pas que tu me reprochais le fait que je te reproche rien. Mais tu me le reproches rien. C'est pas grave. C'est pour le podcast. Et du coup, il y a un truc que j'ai pas dit, mais c'est vrai, c'est que sur le retour, à un moment, je me trompe de sortie d'autoroute. Ça, je savais pas. Et du coup, ça nous fait pas aller vers le superchargeur. Et il se dit, ah bah je vais donner un autre itinéraire. Et plutôt que d'aller vers la France, on retourne en arrière en Italie et on va à Milan. Oh. Et là, tu te dis, ah bah ça fait 2 heures de plus sur le trajet. Oh tu vois, 2 heures de plus sur le trajet parce que le GPS de la Tesla est pas si fou. Bon, bref, qu'importe. Bon voilà, mais bon, c'est un truc. Placé, c'est placé. Bon voilà, c'est placé. Mais maintenant, je comprends pourquoi t'étais un peu désagréable, Aurélien. Ça n'est pas grave, mais je comprends. Et tu sais quoi, c'est très intéressant parce que sur généralement, on s'entend plutôt bien avec Aurélien et Anis. Mais là, je sentais qu'il y avait un truc dans l'air. Tu sais, il y avait un truc de. Tu veux dire qu'il y avait de l'électricité dans l'air, mais pas dans la voiture. Non, moi ça va, mais c'est juste que je sais que comme je suis non. vieux et que je me réveille tôt, ça allait pas. Si j'arrive chez moi à 7h du matin, je me réveille quand même à 9h. Ce qui s'est passé, c'était juste ça moi. Mais après, on en a fait des stories, c'est pour ça que les gens sont au courant. Voilà. Et en faisant des stories, ça rend le truc rigolo. Non. J'ai pris au moins 40 abonnés grâce à ça. Voilà, c'est bon, on est rentré dans nos frais. Non, mais le point positif, c'est que moi à cette époque-là, j'étais à Paris, j'étais pas en vacances et j'avais un peu le seum d'être à Paris. Bah t'es en sonnerie mon pote. C'est pas moi. Ah, y a quelqu'un qui est en sonnerie. Je vais vous défoncer. C'est pas moi non plus. Aurélien, c'est putain. C'est toi, c'est toi Florent. C'est pas moi. C'est moi, c'est moi. Je suis le seul qui reçoit pas de texto. Et du coup de voir, j'aurais détesté être à votre place et du coup je me suis senti moins dégoûté de pas être en vacances. Bah comme tous les mes voilà. followers, je suis très content. Je pourrais être dans cette situation de merde. À être en train de lutter contre la fatigue dans une voiture, et donc du coup j'étais plus content. Non, mais en vrai, c'est très confortable comme voiture, faut quand même préciser, parce que c'est eux qui sponsorisent oui. Notre podcast avec Freddy qu'on fait. Et non, mais c'est vrai, c'était très cool, on était entre potes, c'était très cool, mais voilà. Et justement, il dit ça, mais. Le retour était d'une violence vénère. Bah, on a combien d'heures du coup en tout? Bah, on est parti à midi et demi, on est arrivé à 7h du matin. Je vous laisse faire le calcul parce que j'ai fait ES. C'était très dur. C'est beaucoup. T'as 17 ans. C'est t'as fait ES aussi. Option maths. C'est non, ça fait 19h bien sûr. Ouais. Mais on t'en a pas voulu, c'est Freddy. Fat, c'est fat, hein. 19h, c'est un gros chiffre, hein, les personne gars. Personne ne t'en a voulu. Même malade. Car nous sommes une team, je le rappelle. Ouais. Même quand on était à une station où t'arrivais pas à brancher, où t'es resté 45 minutes au téléphone avec quelqu'un dont je tairais le nom et qui avait des moustiques, alors qu'il était. En pleine journée. C'est fou comme ils sont désagréables. C'est quand même incroyable. On les fait voyager en Tesla. Attends, c'est fou. Je ramène un véhicule qui ne paye pas. Il paye même pas la location du véhicule. Tu te rends compte ou pas de ce truc? Et il se permet de râler. D'ailleurs, excusez-moi, mais c'est très incroyable. Important. Est-ce qu'on s'est fait flasher ou pas dans le village alors? Vraiment, je pense au moins 6 fois. Mais t'as pas une nouvelle de la personne j'ai qui pas nous a une nouvelle, mais quand j'ai dit à Aurélien, tu sais qu'Aurélien allait se faire flasher au moins 6 fois, il a fait genre. Ah. Compliqué. Et j'ai senti qu'on était plus une team. Et que c'est moi qui allais payer. En fait, c'est ça le truc. Alors que quand lui il l'a eu dans les mains, il roulait quand même assez vite. On n'était pas trop intime à ce moment-là, Aurélien. Au moins, vous tu sais quoi, le... s'il y a une troisième saison de Multiprix, je suis pas sûr d'être présent, Aurélien. Oh. A priori. Bah, hey, si c'est une multiprise de Tesla. Oh putain. Oh. Oh. J'ai pas dit la fin si je serais là ou pas. Je laisse une ambiguïté. Cette blague Tesla sur scène. Je la refais. C'est la même blague. C'est la même. C'est la même blague. Mais ouais, mais tu vois, c'est comme les plats, c'est meilleur réchauffé. Exactement. C'est vraiment du pot-au-feu de blague. Oui, voilà, c'est un pot-au-feu, ouais. Je vais la refaire peut-être une troisième fois avant la fin de l'émission. Eh bah, écoutez, qui est maintenant. Quelles sont vos recommandations culturelles? Bah, moi, Freddy, je trouve que c'est un artiste incroyable que j'adore. Et je suis désolé pour tout ce qui que... touche à tout ou pas? Ouais, c'est comme ouais. Flaubert. Ouais. Freddy, une recommandation culturelle. Je sais pas si c'est culturel, mais j'ai lu les deux volets de Society. Oui, bien bah, sûr. Mais personne l'a fait ça. J'ai remarqué. C'est vrai, pour le coup, tout le monde l'a fait, absolument. Ouais, ouais. Donc je sais même pas si c'est mais bon. Non, mais tout le monde sur les réseaux. Mais en vrai, non. Vas-y, vas-y. Mais voilà, je trouvais ça hyper intéressant parce que je lis pas beaucoup. Sur Xavier Dupont de Ligonnès. Et tu c'est l'as pas dit, incroyable. Et tu l'as lu toi? Ouais, j'ai fini le deuxième il y a deux jours. Et tu c'est très très fort. Yes. Il y a des passages. Moi, je l'ai même retrouvé. Et je vous recommande. C'est ma recommandation. Il roule en Tesla, il cherche un chargeur depuis. C'est vraiment ça, ça donne presque pas du tout en cavale en fait. Attendez, tout le monde l'a lu ici? Non. Oui. Et non, Adrien, non. Toujours en marge. Toi, tu l'as pas lu? Si, moi je l'ai lu, ils sont là-bas. Mais c'est chez vos marchands de journaux. Ouais. Non, mais jusqu'au 1er octobre. Ceux qui l'ont lu, qui pensent qu'il est encore vivant? Moi. Ah ouais? Moi, mais. Moi je pense qu'il est mort, moi. En fait, moi je pense qu'on peut pas savoir. Moi je pense qu'il est mort parce que ma théorie. C'est qu'il y a tous les jours, enfin il y a plein de gens qui meurent et on n'arrive pas à trouver leur identité. Donc peut-être que lui il est mort et on n'a ouais, pas trouvé son identité. Ouais, mais il y a aussi plein de gens qui sont vivants et on ne sait pas du tout où ils sont. C'est vrai. Ok, ok. Il est vivant. Il est vivant. Et est-ce qu'on sait où sont les gens morts? Ok, Paris. Il est mort. ça par exemple, le qui? Ton chien. Ouais. Il doit bien se marier avec Coluche et des proches, en tout cas. Exactement. Avec leur masque. Non, mais je pense vraiment qu'il est décédé. Mais parce qu'en fait, dans le deux jours après, il est mort. Oui, en fait, dans le reportage, c'est ce qu'il dit. C'est qu'il dit de toute façon, on a deux semaines dans la gueule, quoi qu'il arrive. Donc pendant deux semaines, il a pu se passer plein de choses. Et comme il est peut-être au fin fond du Panama et qu'il vit sur un voilier. Il fait des cocktails, oui, exactement. Non, mais il a ta vie, il a suivi ton conseil. T'imagines à quel point le monde est grand. Je pense qu'il a fait du stand-up, ça a pas marché et il a suivi tes conseils. Quand il y a un mandat d'arrêt contre toi. Ouais, non, remarque, c'est vrai qu'il a pu partir. Non, mais il y a des pays. Non, mais partir à l'étranger. Hein. On est dans un monde quand même. Honnêtement, tu vas au fond. Ben Laden est toujours vivant, je vous rappelle. Au fond du Venezuela. Non, avant, on n'est pas comparationniste. Ouais, mais il a pu techniquement prendre l'avion et partir. Et bah, tu liras Society. Ah, on veut pas lire. Et bah, en fait. On veut pas faire comme les autres à l'envers. Commence par le dernier chapitre, le chapitre 13. Je veux pas lire, mais je vais pas lire de peur en le lisant ou pas? Non, ça va. Oh, ça okay. va. Plutôt bah, c'était fun. Une vraie question, c'était ouais, pas un jeu de j'avais compris. Ouais. En vrai, c'est cool. Il y a des anecdotes qui sont quand même assez folles. J'ai pas envie de spoiler. Non, faut pas spoiler. Mais des fois, il y a des scènes. Oh, pas loin, c'est alors... partout. Hein. Non, mais c'est ouf. Le schéma global de tous les persos, c'est incroyable. Et la manière de raconter tout ça. C'est surtout très triste, plus que. C'est pas un chien. C'est triste pour les gens. Ah, c'est deux chiens. Ah, c'est horrible. C'est de, triste, la, mais de c'est... Labrador en plus, c'est pas non plus des Bassets quoi. Mais c'est mais ça, on aurait pardonné. Oui. Bassets mérite de mourir. Okay. Oui, on aurait pardonné ça. Oui, mais c'est surtout assez fou parce que c'est vraiment un vrai. Pour le coup, c'est un vrai scénario quoi. C'est-à-dire que vraiment, il ouais. y a un truc très très intéressant dans le personnage. C'est ça qui me fait dire qu'il est. Il a écrit dans. C'est quand même assez fou, tu vois, le fait de penser que tu peux pas juste subvenir aux besoins de ta famille et se dire bah la meilleure chose c'est de les envoyer au paradis parce que c'est ce qu'ils pensent. Ce taré, si tu nous entends. Non, écoute, si tu nous entends, Xavier, arrête. T'es pas capable de faire l'adresse de Flaubert. Il sponsorise, putain. T'es ouf. C'est vrai que c'est le prochain. Mais c'est vrai que c'est fascinant le fait qu'on sache pas, c'est fascinant et les conséquences sur l'entourage, c'est ça aussi la surprise du deuxième volet. Ce qui est fascinant, c'est le côté Breaking Bad, tu sais. Ce qui est fascinant, le côté les répercussions sur tous les gens qui sont pas morts, c'est fascinant, c'est qu'ils mesurent habite Delos. C'est vrai. Ça, c'est attends, de quoi, quoi? C'est ce qu'on apprend. Mais lis la presse, Adrien. Lis-le, Adrien, bon Dieu. Vous m'emmerdez, là. Je vais dire un truc, vous allez me dire lis-le. N'en parlez pas, alors, en fait. Fais l'actu, Adrien, bordel. Je peux pas mieux te le vendre qu'en te disant. J'ai pas compris les mots. Écoute-moi bien, écoute-moi bien. Je vais trouver un mail de lui où il dit. Il y a un mail où il organise des parties fines, disons-nous. Ça, je sais, tout ça. Non, il s'est fait faire cocu par sa femme et après, il l'a regardé baiser. Ah, sauf que... C'est tout. Ça, mais je connais les trucs. Mais sauf que ça, c'est faire cocu. Putain, mais quoi finir. Mais laisse-le finir, Adrien. Tous les potes s'embrouillent ce soir. À la fin, enfin, dans ce mail... Allez, là. Dans ce mail, il explique comment mesurer son pénis. Et il parle de... Je sais. Putain, je passe ma vie. Justement, il commence à l'os. Es-tu d'accord avec Xavier Dupont-Aiglos? Comment ça, l'os? Il faut enfoncer ta règle 4 cm dans ta peau. Il explique qu'il faut enfoncer la règle bien au fond. Ça, c'est quand t'as une petite bite. Ça, c'est pour gagner 4 cm. Lui explique qu'il en a une de 22 cm. Mais il n'y a pas de chiffre dans Society. Il part du milieu de la colonne vertébrale. Il dit juste qu'il a une moyenne plus grande que la moyenne mondiale. C'est 1m50. C'est ça dans le deuxième. S'il commence au coccyx, évidemment, il a une bite de 30 cm. Quoi. Ouais. Il commence, la troisième vertèbre. Je commence et on te l'a dit, Adrien, c'est un taré. Je prends un mètre ruban et je pars de la nuque. Mais peut-être, c'est pas ça la solution pour le trouver, c'est de dire dans tous les médias, je suis sûr il a une petite bite. T'as une petite bite. Et il y a forcément un moment où il va revenir. Non, mais en vrai, c'est possible. Non, mais comme anecdote, ce qui me fait penser à ça, c'est qu'il y avait un article dans je sais plus quel magazine, quelqu'un qui avait dit que Trump avait des petites mains et c'était foutu de sa gueule. Je sais plus que. Bon, le nom me reviendra pas. Mais on rappelle journaliste... que selon nous, Trump est raciste. Voilà, voilà. Je vous le dis, hein. Nous, on n'a pas Trump, démission pour moi. Trump, démissionne si tu nous entends. Oh, un sacré débile au sommet de l'État, j'ai l'impression, ce gars-là. Donc il avait fait une vanne sur le fait que Trump avait des petites mains et du coup, ce journaliste disait régulièrement, je reçois des photos découpées dans des magazines des mains de Trump et c'est Trump lui-même qui découpe des photos de ses mains et qui écrit au stabilo, enfin au marqueur derrière, alors elles sont petites là peut-être mes mains, genre incroyable. Il lui envoie des photos de ses mains lui montrer qu'il a pas des petites mains. C'est génial. Donc quelqu'un qui est un ego comme ça, qui est comme Dupont de Ligonnès sûrement, ça peut marcher cette quoi. Histoire moi, cette histoire ne peut se terminer que par un podcast français a reçu une dick pic de Xavier Dupont de Ligonnès. C'est incroyable. La partie 3. Mais moi, avec le timbre et tout tamponné, genre il est. Mais non, mais t'as vu comment ça nous fascine, c'est incroyable. Bah, c'est ouf. Ah, mais c'est incroyable. Même sa famille. Mais moi, je pense que quand ils ont trouvé le vieux là l'année dernière et qu'ils ont dit qu'ils ont dit c'est lui, moi je pense que c'était pour qu'ils disent. Vous êtes sérieux? Vous avez cru que c'était moi? C'était pour qu'ils sortent. Guy Joao. C'est la merde. Oh là là, mais ils sont cons, ils auraient dû miser sur la bite. Dire, ça se mesure pas à la base de l'os. Hein. C'est vraiment une excuse de petite teub. Hein. On a trouvé Xavier Dupont de Ligonnès, voici une photo de sa bite. Quoi? La coupe de Society avec des puzzles, mais c'est une bite. Une toute petite bite. C'est Dupont de Ligonnès. Caracas Charles de Gaulle dans la minute, quoi. Pardon. Il est sur Twitch, le mec. Ça n'est pas une petite bite. Elle est petite, bon, voilà, en tout cas, c'est fascinant ce truc et sa famille même. C'est assez fascinant ce truc de. Ouf. Tu sais, tu te dis, parce que moi j'étais pas au courant qu'il avait été, j'allais dire, aussi aidé. Tu vois, enfin, pour moi c'était un homme isolé, etc. Donc le fait de découvrir tout ça, tu sais, c'est quand même. Potentiellement aidé, attention, tu vas. Tu vas voilà. Alors potentiellement aidé, par la police. Tu sais, même par la police. Je l'ai pas lu, je peux dire ce que je veux. Par la police, mais en tout cas par la police américaine, selon son courrier. Bah oui, il a t'as vu dans les courriers comme il écrit comme un. Alors je suis désolée, moi c'est quelqu'un en date. Il met lol. Il y a beaucoup de lol, de XD et de MD. Bah XD, c'est juste le début de son nom. Ah c'est vrai, il signait, putain. C'est génial, c'est fou. Bon bref, donc ça et l'album de Dua Lipa. Que je trouve tellement bien réalisé. Ils sont la même personne. Let's get physical, c'est sur TikTok. Voilà, bon ça fait un petit moment, mais c'est très bien. Oh XD. DL du Alipa. Oh non, mais je pense. Waouh! Wow. Oh, je dégueule! Vos cerveaux explosent aussi? Je dégueule! Oh la vache! Oh, je mange ma merde! Aurélien, donc toi c'était une série qui s'appelle Dave. Ah oui, les recos. Ouais, mais j'en ai déjà parlé. Alors, trouvons une autre. Oui, mais cette série, tu nous dirais Tesla juste pour voir. Tesla. Je l'avais dit. Autre sur Canal, c'est la série qui m'a accompagné pendant le confinement et que je vous conseille si on est reconfiné, même si j'ai très peur que j'espère que ça n'arrivera pas. High Maintenance. Quelqu'un a vu High Maintenance? Mais c'est une série chose. HBO aussi, qui du coup vous pouvez avoir si vous avez Canal, qui est par extension toutes les séries HBO. Pourquoi ça me dit High Maintenance, c'est une série, il y a 4 saisons, ça a été créé il y a quelques années par Ben Foster et je ne sais plus le nom de la deuxième personne, mais Ben Foster c'est la personne qui joue le gars principal dedans, et en fait c'est un dealer de weed à New York, et en fait le concept assez ouf c'est que chaque épisode tu suis deux petites histoires indépendantes. Tout le monde a des gros yeux, il y a des bruits dehors, j'ai mon casque. Il y a une baston je pense dehors. Oui, bah, rien de bien méchant. C'est les peut-être gilets des jaunes, dealers, les gilets jaunes. Ça serait fou, imagine c'est des dealers. Mais c'est un dealer hyper détente hein, qui deal en vélo et qui va donner de la weed à des gens. Et en fait ce qui est cool c'est que premier épisode et dernier épisode de chaque saison, t'as 10 épisodes par saison, il y en a 4. Tu sais, il y a lui, tu le suis lui tout le temps, mais sinon tous les autres épisodes tu le vois à un moment donné, mais tu ne le vois pas plus que ça. Et en fait, tu sais jamais quand est-ce que tu vas le voir. Et soit il fait la transition entre deux petites histoires ou machin, et les épisodes durent 20-30 minutes, je sais même plus. Et en fait, à chaque fois, c'est comme si tu voyais des petits courts-métrages sur la vie des gens. Ah, c'est cool. Et tu le vois passer chez des gens, tu vois, il va de l'un à l'autre, ou machin et tout, ou juste il croise et tout. Tu vois un gars, tu sais pas ce qui se passe. T'as une petite chronique de vie et tout, machin, toujours un peu original. Et du coup, pendant le confinement, c'était incroyable parce que t'es coincé chez toi et t'as l'impression de voir vraiment des petits gens, des bribes de vie, des trucs. Ouais. Comme des fois, t'entends des conversations dans le métro, machin, et tu sais pas trop ce qui se passe et quel est l'enjeu. Bah là, tu sais, parce que ça va un peu plus loin, tu vois les gens un peu qui évoluent tout ça dans leurs univers. Et ce qui est hyper cool, c'est que tu sais qu'il ne va jamais rien se passer de bad. C'est-à-dire qu'il va jamais se faire arrêter, il va jamais y avoir d'embrouille, il y a un espèce de truc bienveillant et c'est toujours un peu des gens. Genre le résumé de Canal+, c'est genre ils croisent des névrosés. Non, c'est juste des gens normaux, mais tu vois vraiment leur petit truc un peu particulier. C'est des névrosés qui ramènent des dealers chez eux pour qu'on les livre. C'est juste que c'est toujours des petites histoires un peu originales et qui s'inspirent de trucs de potes à eux ou de machin et tout. Et plus ça va, plus la série est riche parce que plus ça va, plus ils sont plusieurs scénaristes à bosser là-dessus. Et tout le monde vient dire ah moi j'ai un oncle qui lui arrivait ça, j'ai machin. Et je trouve ça trop bien, je trouve ça hyper bienveillant, hyper géré. Bonne idée. Et le mec est hyper cool et du coup t'en apprends un tout petit peu plus sur lui petit à petit. Premier épisode et dernier épisode de chaque saison, t'en apprends un peu plus. D'accord. Et là, dernier épisode de la saison 4, j'ai chialé, tout ça. Allez, trop bien. Fragile. High Maintenance, bah, trop bien. Très bien. Morgane. Je note. Vous avez que des trucs hyper récents. Moi, je vais. Ah non, avec un truc qui est sorti. Comme je le dis tout le temps dans le texto, c'est peu importe la date. Si t'as vu un truc cool que t'as kiffé récemment, ça peut être un vieux truc. Alors, genre, moi, si j'ai t'as lu. Lu merde, j'ai raté. Mot passant. C'est quoi le nom du livre d'Hitler déjà? Mein Kampf. Si t'as lu Mein Kampf, ça marche. C'est... Voilà. Alors, tu crois pas si bien. J'adore les blagues où on demande la chute à la personne. Moi aussi. En disant, c'est quoi ça? C'est ça ma blague. J'ai bien aimé parce que. J'ai bien aimé quand je savais pas la chute de ma blague. Isabelle Hitler. Oh oui, elle y a pris goût. Alors, je ne repartirai jamais. Non, cet été, moi, j'ai lu à peu près 10 piges après tout le monde. Je pensais que j'aimais pas les romans fantastiques, mais j'ai lu La Horde du Contrevent. D'accord. D'Alain Damasio. Tu dis ça comme si on savait ce que c'était. Bah non, pas du tout. Non, mais parce que c'est le. Non, vous savez. Ah non, je connais pas. Là. Ah, c'est ma meuf. D'accord. Ma meuf lit des bouquins. Non, c'est vraiment. Alain Damasio et c'est le roman, et je le dis comme si c'était une évidence, parce que c'est le roman qui a été le plus vendu. D'accord. Et c'est le plus gros roman de science-fiction français. D'accord. Et c'est sur une. On est juste des débiles, hein, t'inquiète pas. Hein. C'est vraiment, c'est juste non, ça. Non, hein. c'est sur une horde, c'est un peu dans un monde un peu apocalyptique et il y a des. C'est une horde qui part, donc ils sont 24 à la base et ils partent de l'aval du monde, donc du bout du monde pour aller en amont, à l'extrême amont du monde, chercher l'origine du vent. qui fout la merde un peu partout. Donc il marche et t'as un sourcier, un cueilleur, un mec qui gère le feu, un mec qui trace, un comptable. Et c'est incroyable. Enfin, franchement, honnêtement, c'est 500 pages, ça m'a retourné la tronche. J'ai fait ce que je fais jamais, d'aller geeker sur Google après pour chercher des théories de gens. Voilà. Et c'est, y a un peu de Game of Thrones dedans, tu vois, sur un peu l'ambiance de Au-delà du mur, tout ça. C'est génial. D'accord, bon bah voilà. Je vais attendre le film. Je peux pas blairer de lire. Et pour comme tant même. Mais il y a eu un téléfilm qui était pas ouf, mais c'est impossible. C'est un-retranscriptible, je pense. Ça se dit. Ouais. Oh, wow. Allez, yes. Et vu que t'en avais deux, sur HBO, j'ai regardé pendant le confinement The Morning Show. Avec Reese Witherspoon, Steve Carell et Jennifer Aniston. Apple TV, pardon, ouais, exactement. Tu l'as téléchargé légalement. C'est sur une matinale de radio, d'actu, aux États-Unis, et c'est en plein dans le Me Too, et c'est génial. Ouais, c'est vrai que c'est vachement bien. Show, ouais. Mais j'ose pas parce que j'ai acheté un iPad. Lionel, j'ose pas. Et j'ai acheté un iPad et ils veulent m'offrir un an d'Apple TV, mais je sais que je vais me faire ken et que je vais être abonné jusqu'à la fin. En vrai, moi, ils m'ont filé un an avec mon Mac. Ah, tu résilies comme une petite crevarde. Ah, mais si tu résilies juste après, t'as l'année quand même. Non, j'ai pris la semaine gratuite, j'ai regardé en deux jours et après j'ai annulé. Ouais. Allez, bim. Ah oui, couper l'herbe sous le pied de la vie. On dit. Yes. Il doit bien se retrouver dans sa tombe, le Steve Jobs, là. Hein, dans les dents. Adrien. Alors moi, j'ai 17. j'en ai que deux. Pendant les vacances, j'étais chez ma sœur avec mes neveux, mes nièces et tout ça. Et la petite ville de Limoges. Pas du tout. Carcassonne. On n'est pas si potes. On peut faire un jeu où on devine la ville. C'est pas. Et je dois le couper au montage. C'est cool. Voilà. Non, on a joué à des jeux sur Switch. J'ai joué à deux jeux multijoueurs local. Très cool. Un qui vient de sortir qui s'appelle Boomerang Fu. Boomerang comme un boomerang, fou comme le fou de Kung Fu. Parce que c'est de la bagarre de boomerang et tout ça. Le principe est vraiment très con, c'est... Oui, tu as cherché le jeu, c'est ça ? J'ai screen quand tu en as parlé en story. Incroyable. Et en vrai, c'est très con, c'est juste, t'es dans une arène et chacun a son personnage, t'as un boomerang et tu dois latter la gueule des autres avec les boomerangs. Il y a des modes en équipe, il y a des trucs différents, etc. Et tu chopes aussi des power-up, quoi. Mmh. Donc, t'as le boomerang explosif, le truc, etc. Et vraiment, c'est le premier jeu d'un petit studio australien. C'est leur tout premier jeu. Et franchement, il est vraiment trop bien. Et ce que je trouve vraiment trop cool, déjà, on peut jouer jusqu'à 6. Donc, on a joué à 6. Donc, c'est trop bien, jouer avec mes neveux et mes nièces et tout. Et même si t'as, mon frère qui joue pas trop aux jeux vidéo, en fait, le jeu est suffisamment bien fait pour que quelqu'un qui joue hyper souvent aux jeux vidéo et quelqu'un qui joue jamais, on se retrouve plus ou moins. T'es pas en train de te faire chier parce que tu peux pas jouer, quoi. Ouais. Tout le monde peut jouer et s'amuser et tout ça. Donc le jeu est vraiment trop bien pour ça, quoi. Il est vraiment très marrant. Et est-ce que, comme un boomerang, tu peux agiter mon cœur pressé ? Bien sûr. Ah, ok, ça me fait boomerang fou, ça s'appelle ? Boomerang fou. Je note tout en même temps. Boomerang comme un boomerang fou, comme fou, kung fu. Et un autre jeu qui, pour le coup, est sorti il y a longtemps, je crois, qui s'appelle Doom. Ouais. Mario. Pong. J'en ai pas. Tesla. Isabelle Huppert. Mange la merde. ça s'appelle Heave-O. Et c'est encore un petit jeu indé dont tout. Ça peut se jouer seul. J'ai joué seul. Quand je suis revenu de vacances, Heave-O. Ça m'a déprimé. Heave. On dirait le Steve-O français. Oui, c'est ça. Heave-O. Oui, c'est vrai. Non, c'est Heave, H-E-A-V-E, plus loin, O-H. Oh. Et en gros, le principe, c'est chacun dirige une petite créature qui a juste un corps et deux longs bras. Et en fait, avec les... Comment dire, les manettes. Non, mais le... Joystick. Avec le stick. Non, avec le stick, tu bouges tes bras. Console. Okay. Et avec les gâchettes... Gauche et droite, tu choisis de fermer ta main, enfin d'agripper avec ta main droite ou avec ta main gauche. Nintendo. Et en fait, le principe, c'est d'aller du point de départ au point d'arrivée. Je vais me faire nommer chef de protocole du ministre de l'Intérieur pour vous chier dans la bouche à tous et sans me faire virer. Non, et en gros, le principe, c'est d'aller. T'as le niveau, tu dois aller du point de départ au point d'arrivée. Et le principe, c'est. Boss final. On s'accroche les uns les autres. Et on s'accroche aux parois. Et faut se balancer. Mm-hmm. Et c'est vraiment un jeu de coopération. Mais le plus. Mais pur, c'est pas frustrant. Quoi. Enfin, tu joues avec d'autres gens, du coup. Oui, c'est ça. C'est un jeu. Tu joues à. Je crois que tu joues à 4 maximum, je crois. Mais bon, c'est déjà beaucoup. Et en fait, le principe, c'est que t'es obligé de dire ok, vas-y, accroche-toi à moi. Non, prends-moi la main, vas-y. Après, on se bascule tous du même côté. C'est cool quand tu dois parler. Ouais. Voilà, et après, du coup, t'arrives, tu fais ok, maintenant, machin, hop, le mec est au bout de la chaîne, il s'accroche à une plateforme. Donc l'autre dit ok, c'est bon, je lâche ma main, celui qui se tenait de l'autre côté et tout. Et du coup, t'évolues comme ça dans le niveau et t'es obligé de collaborer à fond et tout. C'est vraiment trop, c'est trop marrant, quoi. C'est vraiment trop bien. Et c'est rare les jeux où il y a une telle collaboration en fait, quoi. Need for Speed quand même. Start. C'est pas vrai. Nazi le jeu. Beaucoup de collaboration aussi dans Nazi le jeu. C'est vrai. Bah ouais. C'est vrai. Ouais, moi je peux pas jouer à ces jeux-là parce que quand j'étais. Quand je jouais avec mon petit frère, quand on était ado, et que je perdais un jeu de combat. On se battait derrière. Oui, mais alors, ah non, mais moi, j'ose espérer que tu as mûri depuis cette époque. Écoute, assez bof. Je joue plus aux jeux vidéo en tout cas. Lui, il continue ou pas du coup? Non, je crois pas non plus. Il a arrêté non plus. Non, mais tu sais quoi? Je te le donne en mille. Et le droit dans les yeux, j'ai l'impression. Oui, non, mais en fait, parce que bah, c'est ma troisième recours, on va dire, même si j'ai jamais testé ce service. Mais c'est Pierre Lapin, d'ailleurs, qui m'a parlé de ça. Il y a un service qui s'appelle Parsec, P-A-R-S-E-C. T'as deux replays, toi? Bah oui, mais parce que les gens, c'est du vocal en fait. C'est vrai, t'as raison, mec. Et tu notes rien, donc c'est vrai, je suis obligé de... Je suis une merde du mec. T'as dit non, mais jamais je mettrai les recos dans la description. C'est vrai, je l'ai dit. Discord. Amélie, elle le fait. Oui, c'est vrai. C'est vrai. On le fait plus. Ah bon. Mais on l'embrasse. Refais-le, Amélie. J'ai quitté le Discord. Non, en fait, c'est un. En gros, Parsec, pour faire vite, c'est un truc sur ordi. Et c'est pour jouer à des jeux qui sont prévus pour du multiplayer local. Mais tu le fais via internet avec elle. Donc c'est à dire qu'en gros ça simule l'autre il se connecte et tu peux le faire depuis un navigateur, c'est à dire qu'il y a quelqu'un qui lance Parsec et qui lance le jeu sur son ordi et ensuite tu files le lien à ton pote de son navigateur, il va sur le lien, il y a ton écran qui apparaît sur son ordi et il peut jouer comme s'il était dans la pièce avec toi, quoi. Ah, j'en mets. Donc on pourra jouer à Evo ou alors je viens chez toi et on y joue, mais on, voilà. Si t'as le jeu, délicieux. Ton pote peut jouer. Délicieux. Et tu peux jouer jusqu'à 4, plein en même temps. Et du quoi. Coup, c'est légal parce que t'achètes pas le jeu, ça va pas durer longtemps, quoi. Non, c'est toi. Ah non, si, je pense. Bah, je sais pas comment. C'est vrai que je me suis dit, bah, du coup, dis bah, donc. Bah, ça peut être un jeu pour 8 joueurs. T'avais les points quoi. Sur la taille, je crois. Non, mais bah, après. Je veux dire, tu n'as pas le jeu, mais t'as aussi la restriction de tu ne peux y jouer que quand ton pote y joue. Donc, oui. D'accord, c'est okay, pas comme si tu y jouais quand tu d'accord, veux. D'accord, ok. Il doit jouer avec toi. Oui, bien sûr. Oui, c'est ça. Sinon, moi, j'envoyais un mail. Hein. Bah là, en tout cas, les autorités vont apprendre que ça existe grâce à. Pas quand ils vont finir, tu vas niquer le truc. Merde, les autorités, ça, le torrent. C'est ça. Eh bien, moi, ma reco. Quoi ? Non, mais c'est pas vraiment une reco. On peut deviner ou pas ? Non. Je peux éteindre. Non. Arrête, ce serait con. Non, mais j'ai vu sur Facebook cet été que des auditeurs de Floodcast. Je recommande l'époque. Non, mais sur Facebook, des auditeurs de Floodcast ont créé un Nurshi de Floodcast. Alors, je ne sais pas si vous savez ce qu'est un Nurshi. Oui. C'est gens qui s'amusent à faire des mèmes autour ou des blagues, mais beaucoup des mèmes. Il y a des Nurshi de Kaamelott, de plein de choses, de Kemar, voilà. de un milliard de trucs. Pas que des trucs qui commencent par K d'ailleurs, d'autres choses. Et en tout cas, il y en a un de Floodcast. Donc, je vous invite à le rejoindre. Donc, vous tapez Nurshi Floodcast. Et c'est un groupe privé, mais il y a des gens qui gèrent ça qui sont super cool. Et c'est assez marrant. Moi, mes préférés, c'est quand c'est extrêmement précis sur un épisode. J'avoue. Mais je trouve ça très rigolo. Donc, n'hésitez pas à le rejoindre si vous avez envie. Et sinon, on a un Twitter du podcast maintenant aussi. Ah, oui. C'est plus simple que mon compte et que le compte d'Adam, parce que en plus, toi, tu vas plus vraiment sur machin et tout. Donc, il y a un Twitter du podcast. Comme ça, je vous partage à cet endroit-là les nouveaux invités, les épisodes évidemment. Je vais peut-être balancer les rocos. C'est pas mal de mettre les rocos sur le Twitter et tout. Tu vois, ça peut être chouette avec des liens, des trucs. J'aurai la flemme, mais je vais essayer. Mmh. Et donc voilà, donc c'est Floodcast Pod sur Twitter. Donc vous rejoignez ça, vous followez, j'ai envie de vous dire. Et comme c'est ça, le terme, c'est le terme. C'est le terme. Et voilà, et toujours le Discord. Voilà. Bah écoutez les amis, merci beaucoup. Cette émission a duré 6 ans, mais en même temps je vais couper plein de choses, donc peut-être 10 minutes au final. Dernier tour de table. Donc Freddy, tu as une vidéo qui sort sur YouTube. Tu as la date en tête ou tu préfères pas le dire? Non, j'ai pas de date, mais ça devrait pas tarder. Je vais essayer d'en sortir de plus en plus. D'accord. Voilà. 2020-2021. Ouais, 23-24. Ok. Toutes les années au final. Voilà. Aurélien? Bah pareil, la chaîne YouTube qui reprend. On a tous les deux fait une vidéo en Italie. Vous avez tourné quand même. Ouais, ouais. Exactement. Et toi, t'as une date ou toujours pareil? Non, là, courant septembre. Ok. Courant septembre. La chaîne reprend, donc venez me rejoindre sur YouTube, Aurélien Prévost. Bosser en fait, les mecs. EAUX. Je sais pas. Non, mais c'est quoi? Et bientôt des nouveaux épisodes d'Il fait tout noir, normalement avec Flaubert, tout ça. Oui, parce qu'on a promis un épisode il y a 16 ans. Il y a 16 ans, c'est incroyable. Où on doit aller techniquement chez peut-être Audrey Pierrot. Ouais, mais là, on lance un truc, si elle veut plus, c'est hyper gênant. C'est terrible. En public, mais elle m'avait dit oui il y a 6 mois, donc ça devrait le faire. Elle habite très loin maintenant, Audrey. Ah ouais ? Bah, elle a Prague. On en parlera après. Et peut-être avec Adrien aussi. Et pareil, si on va quelque part, c'est peut-être loin. Je suis pas au courant, moi, par contre. Si, je t'en ai parlé il y a longtemps aussi. À la rentrée, avant le Covid, frère. S'il accueille cette info comme le rôle qu'il pourrait avoir dans le film d'Ivic, je suis pas sûr que ça lui fasse plaisir. Mais voilà, on risque de voir plus dans Il fait tout noir. Donc on se retrouve sur YouTube et sur Insta, quoi, tranquille. Très bien. Morgane ? Tranquille. À partir du 1er octobre, les jeudis, vendredis, samedis, au Métropole Théâtre. Oh, mais t'allais dire l'ancien pour faire à la week-end. Non, voilà, ça s'appelait la Comédie des Boulevards, mais maintenant c'est le Métropole Théâtre ou le Théâtre Métropole. Vers Métro Bonne Nouvelle, vers le Grand Rex. Derrière le Grand Rex, rue du Sentier, tout à fait. Tous les matins dans la bande originale de France Inter. Et abonnez-vous à moi sur Instagram parce que vraiment j'ai un nombre d'abonnés, mais foutrement, mais c'est ridicule. Allez, quoi, je vais regarder. C'est parti, on vraiment, y va. À bouffer des guêpes, quoi. Allez. Je suis même pas à 4000. Non, je suis même pas à 3600. 16 abonnés, moi j'ai là. Ne t'inquiète pas. 3531. Yes. Bah, attends, je veux, écoutez, c'est déjà mais toi, tu me suis déjà. C'est déjà beaucoup. Je veux le double à la fin de la semaine. C'est ma coach sportive. Et franchement, faites péter les abos. Moi aussi, je peux avoir le double. Je faisais le youtubeur. Je tomberai en panne, vraiment. Bon, si vous me suivez, je tomberai en panne de voiture, mais dans toute l'Europe. Je vous jure, je vais chercher des superchargeurs à travers toute la planète. Je te follow, c'est bon. Sur Insta. Voilà, Adrien. T'as repris Twitch, j'ai vu. J'ai vu que t'avais repris Twitch. Oui, alors, j'ai repris Twitch avec un bug génial. C'est-à-dire que dès que quelqu'un sub, ça coupe ma connexion. C'est vrai ? Ouais. C'est nouveau. C'est fou. Pas ouf du coup. Non, pas ouf. J'avais déjà ça le dernier live que j'avais fait avant de partir en vacances. Et là, je suis revenu. J'avais oublié qu'il y avait ce bug. Et donc, j'ai fait un live, mais je l'ai arrêté très rapidement du coup parce que ça fait ça que sur ta chaîne ou ça fait ça non, à plein c'est moi, mais c'est ma config. J'ai dû avoir un truc. J'ai dû merder. Normalement, j'ai peut-être réparé le problème. Le problème, c'est que je ne peux le tester qu'en faisant un live. Merde. Et en voyant si quelqu'un sait, c'est drôle. C'est le seul moyen. Donc, horrible. Et ça devient un running gag. Les gens, ils sont au courant et tout, j'imagine. Oui, ils sont au courant. C'est génial. Mais c'est vraiment chiant. En fait, c'est horrible. Juste. Horriblement chiant. Et c'est même pas ma connexion parce que j'ai toujours le chat, j'ai toujours internet. C'est juste au niveau de OBS, le logiciel, mon débit tombe à zéro. Bam. Et pendant, je sais pas, une minute, ouais, bam. Ouais. Non, mais c'est-à-dire que sans l'onomatopée, je l'avais pas. Ouais, non, et là, du coup, je vois très bien. Là, il est tombé. Là le débit. Le fils d'Eric Clapton. Comme si t'avais ton futur. Wow. Elle est précise, elle est précise. La bonne auberge va reprendre aussi. Ah. Voilà. Oui, donc ouais, bah, voilà. Normalement, Derby Girl, ce mois-ci sort. Au bout d'un moment, elle devrait sortir cette série. Ouais. Et puis sinon, qu'est-ce que je. Bah sinon, c'est des bien, trucs le qui COVID, vont sortir. Comme tout le monde. Non, mais sinon, des trucs qui sortiront plus tard. Et dans pas si longtemps, cela dit, puisqu'on travaille ensemble. On travaille avec Adrien sur je un peux projet. Me faire bien à tout moment. Qui devrait. À tout moment, je ne peux être aussi, encore moins à l'image que dans le film d'Ivic. Moi aussi. Oui, mais moi, Tenet 2. C'est ça. Je m'en doutais. Internet. T'es flou. Du coup, ouais, ben ça fait 6 heures pour enregistrer aussi. Et puis, c'est tout, je crois. Oui, on travaille en tout cas sur un truc qui pourrait sortir au moment des fêtes de Noël. Voilà. Genre, auquel on pourrait me voir, sauf s'il s'avère que finalement, non. Un cosplay Père Noël ? C'est ça. Bon, un sketch show bagel, quoi. Pas du tout. Quant à moi, la bande dessinée Oli et l'Alien, alors quand vous écoutez, c'est vraiment la semaine prochaine. Alors, Oli, c'est lequel ? C'est ça, j'ai genre. Il est très très fort. Bande dessinée de science-fiction qui sort le 16 septembre. J'ai une dédicace à vous partager le 26 septembre à Lyon, si vous êtes lyonnais. Oh, propre. Hey, salut les Gaunes, 6-9 Latrique. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Sur, Alexandre Astier. Alexandre Astier, l'OL. Jean-Michel Aulas. Voilà. Les buts. Select. Mario. Voilà. Non, là ça y est. Ah, pardon, j'ai merdé. Donc, ce sera au Comic Zone à Lyon tout l'après-midi. Alors, dans le respect évident des gestes barrières, on m'a promis du plexiglas. Non. On m'a. Ah, si. Covid. Non, parce que. Testé avant. Masque et plexiglas. Donc, il ne peut rien se passer. Toi, testé avant. Parce que on sait pas. Peut-être que c'est les gens qui vont devoir être testés avant. Non, moi, évidemment. Ouais, okay, moi, testé avant. Mais non, pas vous. Venez. Mais du coup. Ils vont dire cette personne. Bon, j'allais. Qu'est-ce que t'allais sur Priscilla ? Non, j'allais dire. Ils vont t'amener chez le médecin. Ils vont dire cette personne. Tesla. Moi j'étais sur test moi. C'est vrai. Donc, pardon. Mais surtout. La tchouk-tchouk musique. Regarde-moi. La SketchUp. À la topée, pas la Gliam. Bon, vous chiez sur ma promo. Kum Kum Mania. Alors. Félicien du Love, Kum Kum Mania. Loft 2, attention. Ouais. Ouais. Love Story 2, on le recevra bientôt. donc, le 26 septembre, à Lyon, 322 rue Garibaldi, Comic Zone, tout l'après-midi. Il y aura moi avec le dessinateur David Combet. Nous serons donc en dédicace. Et d'autres dates vont arriver. On m'a parlé de Paris, on m'a parlé de Auxerre, mais j'ai pas encore les dates précises. Mais elles vont arriver. Autant vous dire qu'en période de Covid, j'ai zéro Fnac, zéro. Voilà, ça je suis rassure-moi, tu vas faire une dédicace à Autun avec le Mère Geek. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais Auxerre, c'est la Bourgogne déjà. Mère Geek, si vous nous entendez, organisez une dédicace à Autun, s'il vous plaît. J'aime qu'on l'appelle Mère Geek. C'est ok. Mère Geek, vous nous entendez, on vient. Donc voilà, cette bande dessinée. Et puis La Flamme, on a sorti le teaser, mine de rien. Oui. La Flamme, série Canal Plus qui sort en octobre. Ça y est, on est à. Quel casting. Ça a l'air si formidable. Le casting est si fou que j'ai un pote qui pensait que vraiment Jonathan Cohen s'était incrusté sur la couve pour son Insta là. Ah ouais. T'es idiot, je me suis incrusté dessus. Il dit même pas, il dit, ah, il s'est incrusté dessus. Je faisais, mais non. Non, non, c'est vraiment ça. Le casting, c'est vraiment ça. Le casting, le teaser, le teaser aussi est fou. Eh bah écoutez, merci. Tant mieux. Tant mieux, oui, ça réagit plutôt pas mal. En même temps, le cinéma français entier l'a partagé sur ses réseaux sociaux, ouais. Donc vous pouviez que tomber dessus. Mais les retours sont plutôt cool, du teaser en tout cas, et j'espère que la série vous plaira. C'est en octobre, on va sûrement faire un floodcast spécial. Alors je ne sais pas encore le casting, mais on fera un floodcast spécial pour en parler. Voilà, bon, bah merci encore d'être venu, et d'être moi, resté si longtemps. À très bientôt, au revoir tout le monde. Salut. Au revoir, bisous. Bye. Au revoir, ciao. Il s'agissait du floodcast. Pardon.